Je pensais que c'était comme pour nous, pour nous rappeler, genre, ah non, faudrait non, prévoir quelque chose. Parce que j'ai tellement jamais d'idée pour les amorces, là, que je me suis dit, là, si j'ai une idée, faut pas que j'la perde. Hey, Anne-Marie, penses-tu que moi j'ai plus d'idées pour écrire les intros sur les posts de podcast? Mais t'as tout le temps de quoi de cool, pareil. Ben, mon truc, c'est comme... D'habitude, je fais ça pendant que je fais le montage. Puis là, ben, j'avance n'importe où dans le vidéo, ah, j'écoute. Tu cherches. Je suis comme, y a-t-il une niaiserie à dire par rapport à ça? Non. J'avance 10 minutes plus tard. Puis d'habitude, on dit tellement de niaiseries qu'il y a toujours des niaiseries. Puis là, ben, j'écris ça. Avec l'espèce de ton. Le ton de je m'en fous. Que j'utilise habituellement. Je suis comme... Là, j'écris un texte d'amorce, là, qui comme... Hey, gars, c'est un podcast, puis on s'en colle. Nous sommes le jeudi 10 septembre 2020. Vous écoutez On a juste une vie, épisode 290. Je suis Narf. Je suis Blood. Et je suis Anne-Marie. Et là, à soir, on a une thématique spéciale que je viens juste de décider, que j'en ai pas parlé aux deux autres. Pour ça qu'on n'est pas au courant. Ouais, c'est ça. C'est la thématique de l'infini. Ah, oh, ok, oui. Parce okay. qu'on a infini de jeux à parler, peut-être. Mais on a surtout un jeu qui parle de l'infini. Yeah, ben j'ai hâte d'en entendre parler parce que tes screenshots étaient vraiment écœurants. Ah! C'est un jeu qui fait des belles images. Ça a l'air de t'avoir marqué, en tout cas. Ben, c'est parce qu'il y a un mode... Il y a un mode photo. Mm. Puis comme... Puis là, je pense que je vous ai juste envoyé la première batch, mais là, après ça, j'ai continué à jouer. Tu sais, comme... Les photos que vous avez vues, là, j'ai toutes pris ça en 3 minutes. Sur le même, c'est 3 minutes de jeu. Ah ça. Ouais, même avec toutes mais les c'est couleurs. C'est 3 minutes de gossage avec le mode okay. photo. En tout cas, attends, là, avant de. Wow. Tu vas nous inviter chez vous comme le monde, le fatigant qui font un voyage. Puis tu veux-tu venir voir toutes mes photos de quand je suis allé? Whatever, on prendra une bière. Ah, là, ben ça, là. Quand j'étais autour de la piscine, puis là, ça. C'est... Ah oui, ça, c'est une madame qui est venue nous parler. Là, si vous voulez toutes voir les photos... Si vous voulez toutes voir les photos à Narf, c'est sur le Discord que ça se passe. On a juste nudie.ca, les cliquer ouais, sur le Discord. Je les poste aussi sur mon compte Pixel Fed. Ah oui? Puis sur mon... Je les reposte avec mon compte Mastodon. Mais, ouais, c'est... Ok, il faudrait que j'explique c'est quoi ce jeu-là. Avant, ouais, avant qu'on parle des photos puis des photos de voyage à Blob, qui me déconcentre full. Non, mais c'est parce que c'est vrai, là. Ce qu'il raconte, c'est vrai. Puis là, c'est encore pire aujourd'hui parce que, tu sais, à l'époque, les gens, ils prenaient comme une photo par heure. Puis là, ben, c'était super long parce qu'il y avait 200 photos de leur voyage. Puis maintenant, les gens, là, ils ont tous des téléphones. Puis ils prennent 400 photos par minute. Minimum. Fait que là, tu regardes ça, là, pis c'est comme, ok, 300, tu sais, 20 photos de la même montagne. Ma mère, ça comme, y prend. Différentes poses de la personne qui est comme, Ma mère, elle met des semaines à trier ses photos de voyage après le voyage. Ben ça, c'est. Pis encore, elle fait. Parce que moi, je connais des gens qui disent, genre, je vais te montrer. Pis là, ils défilent leur flux de ah photos. Pis là, il y a 400 000 photos. Du même voyage. Je suis comme... Puis là, d'habitude, ça, c'est les gens qui viennent me voir en disant « Ah, oh, j'ai des problèmes avec mon téléphone, là. J'ai mis tout le temps que mon truc, mon storage, il est plein, là. Je comprends pas. » Puis c'est comme « T'as 80 gigs de photos! Calisse! » Il y a du monde qui prenne en rafale aussi, hein, juste pour être sûr d'avoir le bon angle. Ça il y a sûrement du monde qui prennent en rafale quand ils embarquent dans l'avion, puis ils enlèvent le droit de rafale quand ils sont rendus chez eux. Genre. Ça, c'est fou, là, parce que justement, l'autre jour, ma tatoueuse, elle prenait la photo du résultat final de mon tatouage, puis c'est ça, comme... Fallait qu'elle flush des photos au fur et à mesure pour être capable de rentrer les photos de son dernier tatouage, tu sais. Mais elle faisait juste prendre des rafales. J'ai comme fuck. C'est genre 10 photos de la chatte. En tout cas, j'utilise jamais cette fonction-là. Jamais. Fait que là, je veux parler de mon jeu de l'infini et du mode et qui a un mode photo. Fait qu'avant de parler du mode photo, que diriez-vous qu'on parle du jeu? Oui. Ouais. Hein? Pour une fois qu'on commence le pod... pour une fois qu'on commence le podcast en parlant pas de bouffe ou de d'autres affaires pas rapport pendant 10 minutes, comme un party d'échange de photos. On a pensé proche. Alors, heureusement qu'on l'a pas fait, hein? Heureusement qu'on l'a pas. Bref, j'ai joué à Manifold Garden. Ça se prononce bien mal, ça. Garden. Manifold. C'est pas le, facile. Le jardin avec beaucoup de plis. Oui. C'est ça ça veut dire pour vrai. Pas sûr. Un manifold, me semble, c'est une pièce structurelle dans quelque chose. C'est un vrai mot. Ouais, ouais. C'est comme. T'entends ça dans un garage, des fois, là, un manifold. Ben... Mettons que je vais sur recherche d'images puis que je cherche manifold. Pourquoi je vois juste des photos de gens avec des tuyaux? Parce que ça doit être fait en tuyaux, souvent. Beaucoup de pièces qui ont l'air de des moteurs de tuyaux de moteurs. Ben, des moteurs de tuyaux. Moi, j'en utilisais un des au laboratoire. Blob, t'as jamais utilisé un manifold pour filtrer de l'eau, genre? C'est des pétris? Non, je pense pas. Ok, ben, non. En tout cas... Moi, j'utilisais j'ai toujours travaillé à des places où l'eau, elle arrivait, là, puis comme ça, c'est ton eau, puis elle est dans une bouteille, puis comme... OK, je vais prendre celle-là. OK, moi, j'ai fait beaucoup de testing d'eau, puis... ouais, j'avais ça, un manifold. Oh! C'est dur à expliquer, là, c'est en français, c'est la variété. C'est un peu poche comme nom. Non, ben, ça, c'est plus quand tu utilises comme un adverbe, genre... Ben, je sais pas, mais comme quand je clique, quand je vais sur la page manifold en anglais, pis que là, je m'en vais sur français, là... Ouais, mais ça dit qu'il y a plusieurs... C'est manifold, si disambiguation, ça veut dire qu'il y a plus qu'un manifold. Ouais, c'est comme si tu veux savoir c'est quoi un truckload, pis là, tu vas voir, pis la traduction, c'est beaucoup. Ben, c'est vrai, là, mais ça veut dire un voyage de camion, en fait. Ben, c'est pas juste ça, c'est que là... C'est moi, ça que ça veut dire! La page Wikipédia que j'ai, moi, c'est le concept mathématique du manifold, qui est un espace topologique euclidien. Tu l'as en français, toi? Non, je l'ai traduit là. Ok, ok. T'en vas en bas, pis tu cliques sur français, topological space. Sur variété en géométrie. Ah, en géométrie, ça s'appelle variété. Oh, ah, ok. Fait qu'on parle pas, mettons, d'une émission de salvaille ou quelque chose de même. Mais on dit pas, genre, mettons, l'offre d'émission de type émission de salvaille is manifold, comme dans le sens qu'il y a plusieurs types, genre. Il y a plusieurs possibilités. Mais il me semble que ça s'appelle une variété en géométrie, I guess. I guess. Mais parce que c'est comme la même affaire, mais un petit peu variée. Puis là, il y en a plein. Fait que c'est comme un truckload. Ouais. C'est comme un truckload multidimensionnel. Ouais, manifold avec un Y. C'est by many times. Bref, il y a un Ouais, Dranzior, il l'a. Comme moi, ce que je travaillais avec au laboratoire, là, c'est ce que Dranzior décrit. Je pensais que c'était comme un racking pour faire tenir quelque chose. Non, moi j'avais genre, mettons, 6 spots pour mettre des filtres. Puis là, verser de l'eau dessus, puis ça s'en allait tout dans le même drain au final. Mais je pouvais récupérer tous les filtres, puis les mettre sur des pétris pour voir si l'eau était contaminée. Ok, ok. En tout cas, je fais beaucoup de ça. Ouais, ok, je vois le genre. Je comprends le principe, mais j'ai jamais eu à faire ça. Mais oui, ok, ça a l'air efficace. C'est du test de l'eau, là, c'est un classique. Ouais, ben c'est ça. Je savais qu'il fallait faire ça, mais j'ai jamais eu à le faire. Tu peux le faire un à la fois, là, mais c'est chiant. Fait qu'il y a un jeu qui utilise ce nom-là dans son titre. Puis je vais peut-être finir par parler du jeu à un moment donné. Parce qu'à date, j'ai dit qu'il y a un titre et qu'il y avait un mode photo. Hein? Oui. Hey, nous, on est Nous, là, on n'a pas peur de prendre le temps de parler en détail des jeux. Ça, c'est clair. Comme Anti-Chamber, ton affaire? Oui. Est-ce que t'as joué à Anti-Chamber? Ça fait longtemps, mais oui. Ah, t'as joué à Anti-Chamber? Puis Anti-Chamber, il me semble que ça, c'est pas très explicite sur ta progression, fait que j'ai aucune idée à quel point loin je t'ai rendu, mais je t'ai rendu pas mal mêlé avec beaucoup d'affaires différentes que j'aurais pu aller, mais que je savais pas si je les avais finies ou non. Il y a 3 ou 4 couleurs de cubes, oui. Genre. Pas plus que ça, me semble. Dans Anti-Chamber? Ouais, fait qu'il y a comme 3 ou 4 chapitres, puis t'as fini. En tout cas, je sais pas, je t'ai rendu où, mais j'ai pas fini. Puis je suis sûr qu'il y a des secrets, puis tout. Ah oh, ouais, c'est moi, je l'avais fini, mais oui, il y a des secrets, j'ai pas tous les secrets. Là. Il y avait des affaires de cubes verts là, que j'ai pas trouvé. Par contre, maintenant que tu me rappelles, parce que là, on parle de Anti-Chamber, puis de. Puis là, j'étais comme, ah oui, j'ai fini Anti-Chamber, puis je me souviens de la fin. La fin, c'était cool parce qu'il se passe de quoi? Puis là, je viens d'allumer qu'en fait, Manifold Garden, c'est comme la fin de Anti-Chamber, mais tout le jeu, c'est ça. Mais... OK, c'était quoi donc la fin d'Anti-Chamber? Ben, je vais pas vous le dire. OK, ben, ouais. Je vais vous le dire parce que je vais vous... Ben, c'est comme... C'est un élément dans la fin d'Anti-Chamber. C'est comme... La fin d'Anti-Chamber, c'est comme... C'est la cerise fuckée sur le sundae fuckée. J'essaie de me rappeler parce que c'est tellement fucké au grand complet, là. Mais, ouais. Ben, on pourra comparer. Yeah, OK, je vais expliquer un peu c'est quoi Manifold Garden. On va arrêter de niaiser. Puis, puis après ça, on fera un peu de la comparaison entre les deux parce que la comparaison est très valable. Donc, Manifold Garden, c'est un jeu d'exploration à la première personne. On va commencer par la base. C'est en 3D. Tu te promènes dans tes beaux univers très architecturaux, j'ai envie de dire le mouvement brutaliste Qu'est-ce russe ça? Quand il faisait tout en ciment, en béton. Il faisait comme tout en des immenses structures complètement weird en béton. Bon, c'est sûr, là c'est un jeu vidéo, c'est facile, mais tout est très angulaire, tout est très très angulaire, des grosses architectures vraiment cool. Et ce que tu te rends compte dans les 8 secondes du début du jeu, c'est que il y a pas de direction principale, puis t'as pas de bouton sauter. T'as juste un bouton faire flipper la gravité dans un autre sens. OK. Fait que quand t'arrives face à un mur ou à un obstacle, puis que tu veux passer par-dessus, tu peux pas sauter par-dessus. Tu pèses sur la space bar ou sur la souris, puis là, ça flippe la gravité pour que le mur qui est devant toi devienne le plancher. Mm-hmm. Et c'est ça que ça fait. Pis c'est pas linéaire? Et... Fait que ça fait ça. Ça, c'est comment que tu gosses avec la gravité. OK. Puis le monde au complet est... Ben là, je sais pas c'est quoi le mot exact. T'as dit, est-ce que c'est pas linéaire? Puis je suis comme, ben, peut-être, mais je le sais pas. Ben, c'est parce que t'as dit qu'il... Ce que je veux dire, c'est que le monde se répète à l'infini. Monde est infini dans toutes les directions, mais c'est parce qu'il se répète. Comme... Ah, la fin d'Anti-Chamber, t'as raison. Ouais. Ah, tu l'as fini, toi? Ouais, je l'ai fini. Mais j'ai oublié, mais là, ça vient de revenir, là. Bref. By the way, on n'est pas en train spoilers. De spoiler la fin d'Anti-Chamber. La fin d'Anti-Chamber, il se passe d'autres affaires cool. Bon, ça, c'est juste un détail. Mais ouais, c'est ça. Fait que le monde, il se continue à l'infini dans toutes les directions. Fait que comme... Okay. Mettons que t'es sur une structure puis que là... Ben, t'es toujours dans le vide, en fait, parce que comme il n'y a pas de gravité dans tous les sens, puis le monde se poursuit à l'infini, fait qu'il n'y a pas de plancher, il n'y a pas de plancher absolu. Fait que si tu tombes dans le vide, ben tu tombes, puis là, tu vas juste comme louper, mais comme, tu vas pas juste louper, tu vas le voir. sais, c'est pas... OK. Vous rappelez-vous des vieux jeux de NES? Genre... je pense que Ice Climber était comme ça, ou Kid Icarus Balloon était Fight, comme mettons. Ça. Ou Balloon, Balloon Fight. Fight ou Joust. Ouais. Ou le plus vieux classique Super Mario. Le pas super, en fait. Ah oui, Mario le jeu tout court. Mario Brothers. L'original. Oui. Le jeu d'arcade, là. Que genre, quand tu ouais. sortais d'un bord de l'écran, t'apparaissais de l'autre bord. Bon. Comme Tower Imaginez Fall. Ça, là. Ça fonctionne comme ça. Mais pas juste d'un bord. Ça fonctionne comme ça dans toutes les bords. En trois dimensions. Que si tu sors en bas, tu vas réapparaître en haut. Ben, Bubble, je pense que c'était comme ça, en fait. Ça se peut. Tu descendais en bas, puis là, tu réapparaissais en haut. Mais là, c'est en première personne. Fait que tu le vois. Tu le vois que ça se répète. Ça, là, ben, juste ça, là, c'est complètement fucké. Je pense que pour progresser, justement, tu peux te retrouver comme dans une espèce de tour, mais comme à l'intérieur de la tour, puis c'est comme tu dois te laisser tomber pour traverser, façon de parler. Ah, t'es tout le temps en train de te laisser tomber dans ce jeu-là. Là. T'es tout le temps en train de te laisser tomber, puis faire comme, bon, je vais aller en haut. Comment j'y vais? Où je veux aller? Comme, tu sais, des fois, il y a plusieurs... Mettons qu'il y a deux structures puis que tu veux aller de l'autre bord, ben, t'as plusieurs options. Soit tu flippes la gravité pour tomber dans la direction de l'autre structure, puis là, tu reflippes la gravité pour atterrir dessus. Ou tu fais juste te pitcher dans le vide, puis là, tu vas... T'sais, puis là, tu vas tomber, mais t'avances, puis là, à un moment donné, tu vois l'autre structure passer devant toi, puis le repasser devant toi, puis repasser devant toi, puis là, éventuellement, t'avances, puis là, ben, tu vas tomber dessus. Et comme Dark Eterion écrit dans le chat, « Zoui! » Exactement, c'est ça que ça fait, parce que t'es constamment en train de faire « Wouh! Allez! » Puis tu sais, des fois, je m'amuse, là, j'arrive d'un nouvel endroit, puis là, je suis comme « Oh, wow, architecture fuckée! » Puis là, je fais juste comme flipper la gravité dans tous les sens, faire comme « Wouh! Wouh! Wouh! Wouh! » Puis là, ça se répète, puis là, t'es comme « Ouais! » Puis c'est très cool. Hein. Wow! Puis fait c'est quoi comme... le but du jeu? Comme tu te ben... rends-tu, t'as-tu un truc qui dit genre « C'est par là qu'il faut que t'ailles? » Ben, il y a... Non, parce que, ben, genre, visuellement, non, mais en pratique, oui. OK. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, une flèche qui dit « faut que tu ailles par là, faut que tu fasses ça », mais parce que de un, la flèche ne saurait pas où pointer, parce que cette chose-là est répétée à l'infini dans toutes les directions. Mm-hmm. C'est surtout comme... puis là, c'est là la ressemblance avec Portal. Tu sais, dans Portal, mettons, tu sais, comme quand t'arrives avec les puzzles, avec les blocs, puis là, ben, il faut que tu trouves le moyen d'amener tel bloc à tel endroit. Il y a un peu de ça. L'affaire, c'est que tu peux pas juste transporter les blocs dans n'importe quel sens parce que les blocs sont attachés à une orientation de gravité. Tu veux dire, ils vont tout le temps tomber dans le même sens? Ouais, ou pas tomber. Oh. Fait que ouais, si ils ont des flèches dessus pour dire de quel bord qui colle. C'est ça. Fait que le cube, il va juste... Puis tu peux pas le manipuler si la gravité est pas dans le bon sens. Puis juste pour clarifier, là, comme visuellement, le jeu présente ça avec, oui, une flèche sur le cube, mais aussi avec des couleurs. Chaque orientation de gravité, il y en a 6, on s'entend, comme les faces d'un cube, mettons. Tu sais, tu peux... Aïe, aïe, oui. Il y a 6 orientations possibles pour la gravité. Les 6 axes, comme la manette 6 axis. Ouais. Mais c'était pas ou ça. Ou le palmarès à la radio. Hein? Ah, les 6 pastis. Ouf! Donc, t'as 6 axes, puis chaque axe a une couleur, en fait. Fait que quand tu flippes la gravité, quand tu flippes le monde devient comme teinté d'une certaine couleur, puis ça aide beaucoup à s'orienter. Ah, OK, c'est comme, pour ça que OK, là, je suis du côté différence. Vert. OK. Quand je suis du côté vert, je peux manipuler les cubes verts. Puis les boutons verts, puis les affaires vertes. Puis là, tu avances dans un mur, tu cliques sur le mur, ça flippe la gravité, puis là, ah, ça devient rouge. Puis là, le monde devient un peu rouge. Les cubes verts deviennent comme gris, encore verts, mais grisés. Puis là, tu sais comme, OK, je peux plus interagir avec ces cubes-là. Ben, ou comme blanchâtre un peu. Ouais, blanchâtre-vert. Puis là, par contre, les cubes rouges, là, deviennent... peut interagir avec eux autres. Puis... J'aime pas ça le dire comme ça, parce que c'est quand même... Ça sonne très réducteur, tu sais. C'est un jeu de puzzle, mais c'est surtout un jeu d'exploration. Les puzzles sont là pour te faire explorer le monde, pas pour... Tu sais, tu vas pas comme faire comme « Oh, un puzzle compliqué! » Tu sais, oui, il y en a un petit peu, mais c'est pas comme Portal, mettons, là, que t'arrives, voici la chambre, tu dois résoudre le puzzle. C'est plus comme « Voici la chambre, explore-la, puis ben, tu vas trouver qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Okay. » Puis tu vas le faire. Puis ça va être le fun de le faire. Mais oui, ça devient quand même beaucoup de ben pogne le cube, amène-le à l'autre place, pogne le cube, utilise un cube, flippe la gravité pour qu'il bouge plus, utilise-le comme support pour mettre un autre cube d'une autre couleur dessus, flippe la gravité, fait que là ton cube il va être suspendu dans les airs, puis là tu peux embarquer dessus, puis là tu flippes la gravité, en tout cas. Des choses comme ça. Mais l'affaire, c'est que tu peux pas flipper la gravité avec un cube dans tes mains. Ou si tu peux le faire, c'est qu'il va tomber tout de suite parce que t'as plus le droit de le tenir parce qu'il est plus de la bonne couleur. Ouais. Quand tu flippes, si t'as le cube dans les mains, est-ce que tu peux flipper le monde? Je le sais pas. Je pense que oui, je mais effectivement, que t'es comme tu l'échappes. Tu peux le déposer quelque part pour pouvoir flipper. Puis un coup que t'as flippé, mais là, peut-être que t'avais pas place pour te tenir. Fait que là. Le cube, il reste là, puis toi, tu tombes. Faut que tu le mettes à une place où il va être accessible. Genre. Ben, c'est parce qu'il y a aussi... C'est parce que là, t'as les cubes des différentes couleurs, mais t'as aussi les cubes fuckés. Que ça, les cubes fuckés, là, quand t'as un cube fucké, tu peux pas flipper le monde. Puis là, ben, faut que tu réussisses à amener le cube fucké en quelque part. Puis je veux pas trop donner de détails, parce que c'est vraiment visuellement cool dans ces bouts-là, là. Comme ce jeu-là, visuellement, là, c'est sa grosse force. Là. C'est malade, là. C'est complètement fou. C'est juste le fait de voir l'univers qui se répète, les textures, les couleurs. Tu sais, c'est juste des environnements de cubes angulaires blancs teintés de différentes couleurs. Fait que tu sais, c'est pas comme ça. Ça aurait pu être super boring, puis ça a probablement été super plate pendant la plupart du développement du jeu, jusqu'à temps qu'ils rajoutent plein d'effets visuels là-dedans. Puis là, c'est comme, oh yeah! Plein d'effets visuels fuckés. Puis le mode photo, ben c'est comme le paroxysme, parce que là, t'as tous les contrôles pour changer tout le visuel fucké, et un piton randomize pour randomiser les settings, puis faire des belles images fuckées. Géométrique en fractal, pas fractal, en ben un peu en plus comme en pattern qui se répète là. Ça fait un peu comme des kaléidoscopes, mais un kaléidoscope okay. Très angulaire qui aurait juste des angles droits, mettons. Mais c'est pas des fractales, ça, je sais pas. Non, les fractales, c'est comme ça se subdivise à l'infini. Une fractale, ça a une composante d'échelle dedans. C'est quelque chose qui se répète à toutes les échelles. Ouais. Fait qu'il faut que ça soit comme un gros cube qui a des petits cubes pareils comme lui dedans, qui a des encore plus petits cubes pareils comme lui dedans. C'est pas juste tout le temps le même cube qui se répète à l'infini. Il faut comme qu'il y ait quelque chose qui grossisse. C'est comme tout l'ensemble qui se répète en plus petit à l'intérieur de lui-même. Mais là, c'est pas ça. Dans Manifold Garden, c'est plus comme un kaléidoscope. Ou c'est plus comme quand t'as deux miroirs face à face puis que là, ça se répète à l'infini. Je pense que ça, c'est la meilleure manière de le décrire. Tu sais, comme, mettons, je sais pas si tu as déjà allé dans un magasin ou d'une place avec des miroirs que tu peux, avec, sur des portes, puis là, tu peux les refermer pour t'encadrer, pour te mettre dans une boîte de miroirs, genre. Tu sais, comme dans un triangle de miroirs. C'est comme un coin de miroir, comme un miroir des miroirs angle droit devant toi, puis un au plafond, puis là, ça fait que peu importe où tu Ouais. regardes, c'est comme si tu vois tout Ouais. Mais dans pas en miroir. chacun. Ouais. Ça ressemble à cet effet-là, mais pas en miroir, parce que le monde se répète linéairement, pas en miroir. Puis ouais, fait que, bref, c'est un prétexte pour te faire promener dans des environnements. Puis comme. Hey, j'ai pas dit là, mais ce jeu-là a été fait par un dude. Ah ouais. C'est une personne qui a travaillé dessus, genre 7 ans. Comme. Ouh. Ça fait super longtemps que le jeu, que j'entends que le jeu est en développement. Ça fait super longtemps que je le suis. Il fait des live streams. Il a fait des live streams vraiment longtemps. Ça y a pris peut-être 7 ans, c'est un peu exagéré. Peut-être comme 5. Je me souviens en entrevue, il disait genre, ah, je pensais que ça allait prendre 6 mois à faire ce jeu-là. Puis. En tout cas, il a donné une super bonne entrevue à Dialogbox, où est-ce qu'il parle de genre comment survivre à un développement aussi long quand t'es tout seul, puis t'es, t'sais, pour pas être en burn-out, parce que c'est un réel problème. Ce qui est intéressant, parce que son jeu, il se répète tout le temps, puis ben, le processus de développement est un peu comme ça se répétait comme tout le temps. J'ai mis une image dans le chat, tu me diras si c'est ça que tu veux dire. Un peu, ouais. Ça s'appelle l'effet Droste, Drost, Droste. Ben là, Drosty l'effet fait effect. plus comme une spirale. Ouais, c'est une mise en abîme. Imagine qu'il n'y aurait pas de spirale. Comme genre, c'est genre, Ah, que ça c'est une tourne pas, tu image. veux dire? Ouais, sans que ça tourne, sans que ça fasse de spirale. En tout cas. Il y a d'autres exemples, je pense, qui tournent pas, là. Honnêtement, allez checker Manifold Garden screenshot là, ça va Ouais. peut-être vous parler un peu plus. Regardez la bande-annonce, ça va vous donner une idée de comment le genre de puzzle que le jeu te fait faire, puis le genre de manipulation de gravité, puis de comment que le monde se répète, puis comment c'est beau. Pour quelque chose d'aussi simple, comment ça peut être aussi beau? Puis Faudrait que je retrouve. Il me semble que j'avais pris des petites notes de choses que je voulais dire. Qu'est-ce que j'avais Il y a quelque noté chose de d'intéressant? cute, les puzzles, ils sont pas gossants parce que il y a beaucoup de jeux où est-ce qu'il faut que tu trouves une clé pour aller débarrer une porte. Bon, il y a une couple de sections qui ressemblent à ça, mais dans ce cas-ci, les cubes que tu as besoin qui font des clés, des fois, là, il y en a plein qui genre, ils poussent dans des arbres, genre. Fait que Ouais, ouais, là, ouais. comme t'es pas obligé comme de repogner tout le temps le même cube, puis là, c'est comme tu contournes, puis tu vas rechercher ton affaire parce que là, tu l'as oublié, puis il est pogné, puis non, des fois, t'en as 4-5, là, puis tant que t'en emmènes un, t'es correct. Les autres, ils peuvent traîner là-bas, puis c'est pas grave. Non, je dirais que Non? non. Quand tu parles des arbres, effectivement, les cubes poussent dans des arbres. Ça, c'est juste une manière pour que le jeu, pour faire que si jamais tu perds ton cube, tu puisses le retrouver, tu puisses le Ah, retrouver facilement il parce que tu en prends repousse. un autre. Mais ça t'en donne pas un de plus. C'est comme, mettons, dans Portal, Ouais. quand tu avais le truc qui spawnait des cubes, ça détruit le cube précédent. Ouais, ok, Faut que tu mais. détruises le cube précédent pour qu'il t'en spawne un nouveau, genre. Ouais, mettons. Fait que, comme Ouais, dans c'est ce cas-ci, ça, ok. dans Manifold Garden, tu sais, ça peut arriver que, genre, t'échappes le cube dans le trou, puis là, t'es comme, oh, c'est chiant, aller le chercher, là, tu vas juste en cueillir un autre, puis là, ça va l'enlever, le premier. Par contre, ce que Blob, tu vois, il y a effectivement des arbres qui poussent, qui ont plusieurs cubes. Ben là, ça, c'est ton nombre limite de cubes que tu as dans ce niveau-là. Puis d'habitude, tu as besoin d'à peu près tous les utiliser, là. Ouais, ok, ça je peux imaginer, là. Mais comme, je sais pas comment dire, c'est pas. Tu sais, il y a des jeux de puzzle qu'il va falloir vraiment que tu te creuses la tête. Là, c'est pas ça. C'est plus comme Portal, mais encore moins, j'ai envie de dire. Tu sais, Portal, des Plus, fois, mais tu moins. étais. Des fois. Non, mais tu sais, Portal, tu pouvais rester dans une pièce pendant vraiment longtemps à faire. Voyons, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ok, là, il faut que j'amène ça, là. Comment je vais faire pour amener le cube de là jusqu'à là? qu'est-ce que je peux. Tu sais, il fallait que tu gosses longtemps. Manifold Garden, c'est d'habitude, c'est plus straightforward. On dirait aussi que t'as comme trois couleurs qui sont plus dans le blanchâtre, puis trois couleurs qui sont plus dans le noirâtre. Ça se pourrait-tu? Pas ma connaissance. Tes environnements, des fois, sont plus blancs, des fois, sont plus noirs. En tout cas, moi, je suis rendu comme à moitié du jeu, puis je pense pas que ça qu'il y a une différence à ce niveau-là. Je sais qu'il y a le monde noir, que ça, c'est une autre affaire. Ça, c'est le monde fucké. Dans le screenshot aussi, j'ai l'impression qu'il y a toujours deux couleurs. Deux couleurs? Mon ouais, Dieu. Ben, au lieu de juste... J'avais cru comprendre qu'au début, tu vas te promener souvent sur les mêmes faces. Ben, tu vas explorer surtout trois directions au début, puis après ça, tu vas explorer les trois autres. Ah, mais ouais, non, les screenshots que je vois sur Internet sont pas comme tes screenshots à toi, Narf, que t'as publié. Les tiens, il y a juste une couleur, puis sur Internet, c'est comme des dégradés, mais j'ai l'impression que c'est dans le trailer. Que le monde a juste pris des screen grabs du trailer. Ouais, ben le trailer... Non, mais comme on s'entend que moi, mes screenshots, c'est que je gossais avec les effets, là. Ah, OK. Comme le jeu, il a pas l'air de ça tout. Il n'y a pas de l'air de mes screenshots pendant que tu joues, là. Non? Ben, je sais pas. Attends, on va regarder, là. Où est-ce que j'ai posté ça? Dans Général. Eh ben, il faut remonter loin. Est-ce qu'on en dit des niaiseries? Ouais, non, dans mes screenshots, je gossais avec les effets, là. OK. Le jeu, je comprends encore moins comment la couleur, elle fonctionne de bord, parce que... En tout cas, dans ceux qui sont sur Google, il y a plus qu'une couleur. C'est une teinte. C'est que le monde est teinté. Les planchers sont teintés d'une couleur. Puis les murs sont plutôt blancs. En fait, OK. Mais il y a l'air d'avoir des zones où les murs sont plutôt noirs. Je pensais que c'était relatif. Ben, ouais, ben après ça dépend des endroits où... Ouais, non, mais ça dépend des endroits où que t'es, là. Peut-être le début, quand il veut introduire les affaires, il fait exprès de ne pas avoir trop d'affaires en même temps. Ouais, il y a aussi que, tu sais, vu que tout ça se répète à l'infini, le draw distance, si le draw distance n'avait pas une espèce de brouillard blanc, ton écran serait tout le temps rempli de tout. Ça serait complètement... ingérable. Fait que là, il y a une espèce de brouillard. Fait que comme, t'es clairement capable de savoir, OK, ça, c'est la structure sur laquelle je suis. Puis ça, c'est comme, ça, c'est la répétition. Ça, c'est un autre morceau de ma structure. Puis tel autre morceau, ça, c'est la répétition. C'est pas la structure. C'est pas l'élément... je sais pas focal, comment appeler ça. Comme le point focal. La zone où est-ce que je suis, c'est la répétition de la zone. En tout cas, ça fait visuellement, ça fait aussi beaucoup penser à Escher par moment, là, avec les escaliers qui vont dans tous les sens. Parce que forcément, vu que la gravité peut aller dans tous les sens, tout son level design, toute son architecture, en fait, tout élément architecturaux est à la fois plafond et plancher et colonne et mur et escalier. Hein? Ouais, fait que je vois souvent des moments où il va marcher sur le côté mince d'un escalier, mettons. Ouais, où c'est comme le bas des colonnes est un peu en forme d'escalier parce que quand la gravité va être flippée, ça va te permettre de facilement monter par-dessus, mettons. Ouais, OK. En tout cas, c'est vraiment cool. C'est juste vraiment cool. On s'entend, c'est un peu étourdissant. Parce que comme t'es constamment en train de flipper à gravité, puis mais pas étourdissant dans le mauvais, pas dans le sens comme ça va te donner mal au cœur. Quoique, il y a des settings pour réduire l'animation dans ces moments-là pour ceux qui auraient mal au cœur, pour que ça se fasse comme instantanément. Mais tu sais, t'as pas vraiment le vertige parce que comme si tu tombes, c'est pas grave, tu vas juste retomber où est-ce que t'es. T'sais, littéralement, si tu tombes et que tu touches plus à rien, tu vas littéralement retomber où est-ce que t'étais. sur l'autre structure en dessous, mais c'est la même. J'imagine que ça serait quand même rapide pour t'en aller dans le cours en arrière. Genre, tu flippes la gravité sur ta porte d'en avant, puis tu te laisses tomber jusque dans le cours en arrière. Ou la vraie vie, mettons? Oui, Ouais. ça serait ça. Ah, oh, man! Si tu, ça, là, si tu joues trop longtemps à ce jeu-là, là, tu finis par penser comme ça, genre. Comme, j'ai joué pas mal, puis là, ma mère m'a appelé, je suis allé sur ma galerie pour répondre, puis jasais avec elle. Puis là, à un moment donné, j'étais comme, tu sais, mon cerveau, il s'imaginait, ah, oh, ouais, si je flippe la gravité, là, je marcherais sur mes barreaux, puis là, je pourrais tomber, puis là, aller sur le building en la face. Puis je suis comme, pourquoi je suis en train de penser à ça? Ça serait bien plus vite pour aller au dep. Oui. Mais faudrait que le monde soit pas mal plus petit parce que sinon. Tu sais, c'est ça qui est bien, c'est que les mondes dans Manifold Garden sont pas très grands. Fait que ça se répète rapidement. Ouais, tu dis ça peut-être d'un point de vue comme quand tu tombes et que tu veux te retrouver, mais en réalité, quand tu es dans l'environnement, les buildings ont l'air énormes. Oui, parce qu'ils se Ouais, répètent. c'est Parce que c'est ça. le même plein de fois. Mais même sans se répéter, il y a quand même des salles qui sont assez grandes, là. Ah oui, ah oui, non, c'est quand même gros. Mais mettons, genre, si tu tombes, puis combien de temps ça te prend pour retomber sur le building, c'est 5 secondes, genre. Fait que tu tombes pas de bien. Tu tombes pas bien, bien. Ça donne un feeling un petit peu d'espace liminal. Je ne sais pas si vous connaissez le concept, là, mais Non. cette année, C'est quoi donc ça? on a décrit un concept qui est les espaces liminaux. Fait que c'est basé beaucoup dans la photographie. C'est quand tu prends une photo d'un endroit où tu as l'impression qu'il doit avoir une présence humaine. Fait que là, tu prends une photo à l'intérieur d'un édifice ou même d'une rue, mais il n'y a pas d'humain. Puis l'éclairage a l'air un peu surnaturel, puis il n'y a personne. Puis c'est un petit peu comme si tu serais tout seul dans un centre d'achat abandonné, comme qu'il y a juste une partie des lumières qui fonctionne. Puis ça fait pas nécessairement peur, mais c'est étrangement vide que tu as l'impression comme qu'il y a des gens qui devraient habiter ici, puis que l'éclairage est pas correct. Puis il y a peut-être quelque chose l'autre bord du coin du mur qui t'attend, mais tu as l'impression que si tu vas tourner le coin, il y aura encore rien. Est-ce que tu parles genre comme quand la presse avait sorti des photos du centre-ville avec personne à cause de la COVID? Je pense que oui, il y en a là-dedans qui doivent faire penser à ça. Parce qu'effectivement, ils montraient comme la rue Sainte-Catherine, le boulevard René-Lévesque, complètement vide. Bon, puis là, tu te dis genre, OK, c'est sûr que le photographe, il a choisi son angle pour qu'on voit aucune auto, là, Ah, ben c'est en mais. plein ça. La photographie d'espaces liminaux, ça demande ça, là. Ça demande des angles. T'as choisi un peu. T'sais, il y avait peut-être quelques personnes qui marchaient, mais il s'est arrangé pour le prendre de la bonne manière. Mais oui, ça fait très surnaturel et peurant, Je pense qu'il y a étrange. quelqu'un qui a justement fait un jeu basé sur ce concept-là, où est-ce que tu es comme dans un bureau, mais tu es dans un édifice à bureau avec pas d'issue, genre, puis pas vraiment de logique. Comme il y a des bureaux un peu partout, puis des couloirs un peu partout, mais ils mènent tout comme nulle part. Mais il y a une espèce de sortie à une place, c'est juste que, comme, tout se ressemble, puis. Parles-tu de Stanley Parable? Non, mais j'imagine qu'il y a des sections comme ça dedans. Ou ah, il y a un autre jeu qui est sorti sur Epic Store que j'ai rajouté sur ma wishlist parce qu'il y a de l'air de. Ça a de l'air d'être un mix entre Stanley Parable puis le jeu que j'ai toujours pas joué mais que j'attendais depuis si longtemps. Ouais. Il semble que j'ai la carte du jeu juste ici sur mon bureau. Anamorphine! Oh oui. Anamorphine qu'il faudrait que je joue, Calis. Je l'ai en plus, je l'ai acheté. Comment ça Mais s'appelle? ça, c'est J'arrive, je comme cherche ma wishlist, puis là je la la trouve pas. géométrie, elle fait pas de sens dans l'armorphine. Comme mais le but, c'est de te mêler. Le but, c'est que tu te revires de bord, puis ça a changé, puis tu te revires de bord, puis ça l'a rechangé. Dans Anamorphine, oui. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a comme pas de, il y a pas de continuité en fait Ben, dans la géométrie. c'est que ça change. Ça ressemble à des environnements du quotidien, mais ça change. Il y a des, il joue avec des illusions d'optique puis des changements. Blob, en tout cas, moi, le jeu que je parlais sur l'Epic Store, là, ça s'appelle Super Liminal. Fait que, tu sais, ça ressemble à ce que tu décris. Oui, ça pourrait être ça. Ce que j'avais vu, c'était des photos d'un jeu d'horreur où est-ce que finalement, plus t'avances dans le bureau, plus ça a l'air délabré puis épeurant, mais il y a comme rien, en fait. C'est juste pour le feeling, là. T'auras pas des jumpscares. En tout cas, peut-être qu'il y en a, mais ça me surprendrait. Là. Super Liminal, qui d'ailleurs est en spécial en ce moment à 30% de rabais sur Epic Store. Just saying. Super ça Liminal, c'est le jeu... C'est un jeu que ça fait longtemps qu'il est en développement. C'est le jeu que, genre, quand tu prends un objet, puis que tu le déposes, tout dépendant de l'angle que t'as, puis la taille de l'objet change selon où est-ce que tu le déposes, genre. Si tu le déposes proche, ben, il va être gros. S'il est gros dans ta face, ben là, il va devenir gros dans le monde, mais loin. En tout cas, c'est fucky. J'ai pas trop compris. J'ai regardé le trailer, j'ai fait « Ok, faut que je joue à ça. » Ouais, ça sonne très cool, ça. Ça fait penser que j'ai ouvert Epic pour voir qu'est-ce qui est gratuit aujourd'hui. Fait que... Dans Manifold Garden, il n'y a pas tellement d'illusions d'optique. T'es pas en train, justement, de te chercher parce qu'il y a plein d'illusions d'optique. C'est juste qu'il y a un élément de répétition qu'il faut que tu utilises. Mm-hmm. Je suis en train de voir un puzzle où il faut que tu fasses passer une balle dans un tube. Ouais, il faut que tu fasses ça maner en faisant flipper la gravité, Et ça, si tu fais un puzzle en flippant la gravité, mais que c'est un jeu en first person, toi, des fois, tu dois calisser le camp. Parce que t'as fait flipper la gravité, là? Tu peux juste flipper la gravité quand t'es face à un mur, donc ce mur-là va devenir le plancher. Oh, ok. Tu peux pas juste dire, genre, je suis quelque part, je vais juste flipper la gravité. En fait, des fois, ce serait le fun, mais ça fait partie, des fois, du puzzle. Oh, ok. C'est comme... Interesting. Tu peux jamais faire flipper la gravité vers le plafond, mettons. Okay. Tu peux juste faire flipper la gravité d'un mur qui est devant toi qui va devenir le plancher. Ok. En tout cas. Puis là, j'ai pas parlé aussi, l'ambiance sonore est vraiment cool. Ça ressemble à quoi? C'est très doux, mais c'est très... Toutes les sound effects, là, c'est ASMR au bout. Ah ouais? C'est tout des petits clics, des petits tchouk-tchouk-tchouk. Oh! J'aime ça, continue. Genre, naviguer des menus, là, tu fais juste, je bouge ma souris, puis je suis comme... Tu joues sur PC, ouais? Ouais. Parce qu'il est sur la Switch, mais... Il joue avec une manette. Ok. Il est sur la Switch, mais je suis pas sûr que... Vu que j'ai la Switch Lite, je suis pas sûr que je le jouerais sur la Switch, parce que j'ai l'impression que je manquerais tout le beau visuel, genre, ça doit être plus beau sur un gros écran, là. Probablement. Ouais. C'est comme si vous avez juste une Switch, c'est pas grave, là, allez-y pareil, mais c'est sûr que c'était le choix. Ouais. Bref, c'est un bon jeu. Je vais le finir. Je vais le continuer. J'ai joué. C'est moi qui joue pas tant que ça. Je suis comme tombé dedans, là, littéralement. Mais je suis comme, ouais, vraiment tombé dedans, puis j'y vais à toute vitesse dedans. Là. Ça a l'air assez bien designé. Partout où t'as besoin de t'orienter, ils t'ont mis quelque chose, des designs avec des flèches ou avec une directionnalité dans l'architecture qui fait que t'es pas perdu. Là. Ouais, pour un jeu qui serait pourtant si facile de se perdre. Là. Ouais. Fait que c'était Manifold Garden... il était exclusif au Epic Store au début, mais là il est sorti sur à peu près toutes les plateformes possibles et imaginables, incluant la Switch, incluant les services de streaming, je pense. Apple 2. Je pense qu'il est sorti sur iOS. Ouais. De quoi Apple 2? Oh. C'est un ordi 8 bits là, que tu pouvais jouer à Prince of Persia, le premier, genre. Même pas sûr. Là-dessus en premier. Ah Je ouais. comprenais pas parce que t'avais l'air de Ouais. giggle en le disant, fait que j'étais comme, qu'est-ce qui est drôle? Mais c'était une ordi de 1970, genre. Ou 1981. Non, mais justement, j'ai mentionné le Apple II. C'est le nouveau, là, c'est Ah, ok. pas. Ok. Mais non, ça roule sur iOS, en fait. Il est sur leur service d'abonnement, là. Il me semble. Fin coin. C'est magnifique. Ah, puis là, on voulait parler de comment ça se comparait avec Anti-Chambers. Ça se compare pas, on dirait. Ben, ça se compare. Étrangement, ça se compare parce que les deux jeux ont été faits par un gars tout seul. Les deux jeux ont eu un développement de 5 ans et plus. Dans le cas de Oh, ok. Anti-Chamber, je pense que c'était comme Ah 8 ouais. ou 9 ans. Damn. Ah ouais, Anti-Chamber, à un moment donné, tu tombes dans une salle un peu secrète, là, puis tu vois comme c'est la salle, c'est une espèce de salle musée qui te montre, voici l'évolution du jeu avec des images, puis tu peux comme les jouer à l'intérieur du jeu, genre. Tu peux jouer au prototype dans le monde de Anti-Chamber. Puis Wow. il y a des petits panneaux avec les titres puis les dates. Dans le temps que le jeu s'appelait Hazards. Puis là, tu regardes les dates, puis tu fais comme, holy shit, ça fait combien d'années qu'ils travaillent là-dessus? Ouais. Damn. Ouais. Beaucoup. Un truckload. Les deux ont des ambiances audio particulières et un peu Les bah, deux, il y a des particulières. cubes. Les deux, il y a des cubes, mais je pense que tous les jeux de puzzle à la première personne, c'est Portal, il y a des cubes aussi. C'est comme ça, effectivement, tu t'en sors pas trop. Ben non, ça aurait pu être autre chose qu'un cube. Là. Partout, ça aurait pu être n'importe quoi. Là. Parce que le Ouais, cube, comme ça. des restes humains. Des C'est balles. ça. Non, mais il y en a des balles. Fait que le cube, ça aurait pu être des balles aussi parce qu'il fit juste dans des trous cubiques, mettons, mais comme. Je sais pas, je trouve sa forme de cube est pas vraiment comme pertinente au gameplay. Là. Ça aurait pu être un chat. Puis il aurait fallu que tu le déposes sur une plateforme en forme de chat. Ouais, C'est sûr que ok. c'est cool qu'il y ait six faces, comme il y a six angles pour envoyer la gravité. Ouais, Oui, c'est parce que ça, tu là, ça peux fait plus de utiliser. sens. Tu sais, quand je disais que tu peux juste cliquer pour changer la gravité quand t'es face à un mur, mais ben un cube, ça compte comme un mur. Ouais, c'est vrai que dans Portals, ça aurait pu être un peu n'importe quoi, là. Mais il y a une espèce de légende urbaine que dans le Companion Cube, il y a comme des gens enfermés. Mais c'est la dernière Parce que je personne, disais des restants humains. là. Ouais. C'est ça qui se passe au lieu du gâteau. Dranzior, il dit dans Pa, Portal. pa, pa. Dranzior, il dit dans Portal, si ça avait été des balles, ça aurait été gossant parce que ça aurait roulé partout. Ah, Mais ouais, en c'est fait, il vrai. y a des balles à certains moments dans Portal qui Oui. roulent partout. En multiplayer en particulier. Mais c'est parce qu'il faut tes garoches dans les espèces de tractor beam. Là. Souvent, c'est ça, là. T'as l'espèce de beam qui fait que tout s'en va Là, dans c'est une dans le 2, direction, là. par exemple, je pense. Ouais, le 1, il joue pas à 2, là. Ouais, c'est dans le 2. T'as pas joué à Portal à deux en multiplayer? T'as pas fait le Ben, mode moi, coop? oui, mais pas longtemps, je l'ai pas fini. Yo, Non plus, hey, je faut pense pas que jouer je le l'avais mode fini. coop là. Ça donnait pas que j'avais quelqu'un pour le faire, je me souviens plus trop. Guys, Blob, t'as pas fait le mode coop. Mais Anne-Marie est pas en au train de nous dire complet. qu'elle a pas fait le mode coop. Ouais, Moi, je veux pas dire là. j'ai fait le 3/4 du mode coop, genre. Mais c'est pas grave, tu l'as tout Je oublié. sais pas comment t'as compris ça, mais en tout cas. Vous allez pouvoir le faire ensemble. Ah. Vous allez pouvoir le finir. On pourrait. Moi, j'avais fait avec ma petite sœur. C'était malade. Oh. Une très bonne expérience coop. Ah, puis là, on fait un stream, mais on peut-tu faire un multi-stream? Stream les deux écrans en même temps? Je sais pas comment faire ça. I mean, ça serait cool, là, mais je sais pas comment faire ça. Ok, mais dans Manifold Garden, il y a des chutes d'eau. Ça, c'est dur à battre. Oh. Il y a Oui. une chute d'eau, en tout cas. Ben, il y en a, puis effectivement, si tu flippes la gravité, elle arrête de tomber. Mais elle tombe, ben, elle continue de tomber, mais elle tombe plus. Fait qu'elle bloque. Elle reste. Elle coule plus. Elle coule plus, mais elle reste suspendue à l'horizontale. Puis là, tu peux marcher dessus. Wow. Tu passes pas à travers? Non, parce que le temps est bloqué. Fait qu'elle ne bouge plus, fait qu'elle devient une plateforme. C'est comme pas de la vraie eau, là. C'est comme. Ben, c'est, ça représente de l'eau, mais ça ressemble pas tout à fait à de l'eau réelle. C'est comme une espèce de. Ça fait un peu penser à un laser, des fois, mais en même temps, quand tu le regardes, c'est comme, ouais, on dirait quand même de l'eau. Ouais, mais si t'étais capable d'arrêter le temps, puis d'arrêter l'eau de bouger, puis de la glacer, ben c'est un peu comme un laser, là. Tu peux marcher dessus. Anyway. Ouais, hypothétiquement, là, mais il y a plusieurs problèmes avec ça. Je pense qu'on a assez parlé de Manifold Garden et de Antichamber. J'aurai un autre jeu de monde infini, mais je vais attendre que je vais vous laisser parler un peu avant de parler de mon tu jeu. Tu vas attendre monde. Qu'on ait infini. Que vous ayez fini. Oh oui. Oui, exactement. Ouf. Qu'on ait infini de parler ou quelque chose. Ouais, c'est ça. Anne-Marie, wow. T'as continué à jouer à Spiritfarer? Oui, mais genre vraiment pas beaucoup. Fait que j'ai genre vraiment pas grand chose à dire. Malheureusement, j'ai surtout découvert cette semaine que, tu sais, quand tu fermes une Switch, là, comme. Il est encore sur ton dernier jeu que t'as joué, là. Fait que là, à chaque fois que je rouvre ma Switch, c'est Fire Emblem. Puis là, je suis comme. Même si je voulais jouer à Spiritfarer, je suis comme. Oh, mais je préfère une coupe de mission de Fire Emblem, tu sais, parce que je suis tellement proche de la fin, puis je voudrais le finir. Puis. Fait que bref, j'ai vraiment pas beaucoup joué à Spiritfarer. J'ai joué genre deux fois. Parce que t'as beaucoup joué à Fire Emblem. Faut que tu fasses menu puis X pour fermer Fire Emblem avant de peser sur Power. Je le sais. Je le sais, mais je le fais pas. Mais c'est correct que tu joues à Fire Emblem. Un jour, il va être fini. Puis... Mais je suis rendu au chapitre 18, puis dans ma route, il y en a 22. Fait que, comme... J'en ai plus derrière moi que j'en ai devant. Fait que je devrais finir par finir. Mais on ouais, s'en parle dans un an. Oh, hey! Ça m'a même pas pris un an me rendre là. Mais la pandémie a peut-être aidé un petit peu. Oh, bon, on va souhaiter que la pandémie continue. J'espère, moi, ça me permet de passer des jeux. Mais, ouais, Spiritfarer, c'est vraiment adorable. On en a parlé un peu dans le chat, dans le Discord, de On a juste une vie, mais... ouais, à date, c'est pas mal chill. Apparemment, il y a un chat qui est gossant, mais gossant dans le bon sens, parce que, comme, il t'aide, puis quand il est dans les jambes, tu le flattes. Mais, c'est que le targeting... Comme, tu sais, c'est un side-scroller, puis quand il y a un item que tu peux interagir avec, ben, tu vas proche, puis là, il y a comme un highlight tout le tour de l'item, là. Il y a comme un contour, puis là, ça dit que tu peux interagir avec. Il est pas tout le temps parfait, parce que ça me le fait avec des NPC, des fois. S'il y a un NPC devant une porte, le jeu, il sait pas qu'est-ce que tu veux targeter, la porte ou l'NPC. Fait que ça serait, à date, ça serait comme peut-être un petit truc technique que je trouve qui est pas évident avec, là. C'est de, comme, d'ajuster qu'est-ce que... Le jeu, il pense que tu veux interagir avec. Parce que là, genre, tu te tasses. Parce que, mettons que c'était pas la bonne affaire qui était highlightée. Tu te tasses, tu reviens, c'est quand même pas la bonne affaire. Tu te tasses, tu reviens, c'est quand même... Tu sais, comme des fois, les portes sont comme un peu bloquées parce qu'il y a quelqu'un devant. Puis je suis comme... Je veux pas targeter la personne, je veux la porte. Mais bref, c'est ça ce qu'on dit, c'est quand... Des fois, c'est ton chat. Puis tu le vois pas, comme le chat, des fois, il te suit, puis des fois, il se promène, puis... Fait que là, tout d'un coup, comme, t'arrives pour ouvrir la porte, mais le chat, il pop devant toi, fait que l'interaction devient ciblée sur le chat, fait que à la place, tu flattes ton chat. Puis c'est pas grave. Parce que ça fait plaisir. Ouais, ben, au moins. Puis il est vraiment trop cute, là, comme, dès le début du jeu, là. Parce que, tu sais, on expliquait, t'es maintenant le nouveau Acheron, le nouveau passeur... sur le fleuve Styx, qui escorte les âmes qui sont mortes vers la prochaine étape que personne sait vraiment c'est quoi. En tout cas, mais l'ancien passeur, c'est tu sais celui qui est dans la mythologie là, qui est comme une espèce de grande figure fantomatique avec une capuche, puis on voit pas ce qu'il y a à l'intérieur de la capuche puis tout. Puis il te donne, mon Dieu, j'ai déjà oublié le nom. Fuck, Ils disent tout le temps c'est quoi le nom. Ça paraît que j'ai pas assez joué. Le nom de quoi? Everlight, merci Dranzior. Il donne Everlight qui est une petite une genre de petite lumière qui t'aide à te guider dans les brumes du fleuve Styx, etc. Mais genre ton chat il fait juste ah oh, mais moi aussi j'en veux une. Puis il se pitche dans la forme fantomatique qui est genre une espèce de forme noire fantomatique avec une capuche. Il se pitche dans l'intérieur qui est juste comme du fantôme noir. Puis là genre ça fait genre puis il sort avec un autre Everlight. Ton chat est comme moi aussi. C'est comme Lucie là. Oh non, il est Wow. juste content. Puis il s'est accroché après son collier. Puis fait que vous avez chacun un globe lumineux pour guider les âmes perdues à travers les méandres du fleuve maudit. Heureusement qu'il n'avait deux. Mais c'est quoi? Il n'y avait pas l'intention de nous donner les deux? Genre, c'est weird. Ça sort de nulle part. Le chat est Ou il juste s'en décidé gardait que. un pour pouvoir se pousser, mais le chat y a volé. Peut-être. Non, mais c'est pas Il a si pareil volé le pourtant. sien. En tout cas, ça, c'est drôle. Fait que quand tu vas dans l'eau, quand tu nages, le chat, il nage pas, il flotte sur sa boule, un peu comme Avatar, un peu comme Aang dans Avatar, là, qui flotte sur sa boule d'air, là, mais là, il y a une mini boule en lumière, puis le chat, il marche dessus pour pas marcher dans l'eau. Fait que c'est plein de détails comme ça qui sont vraiment adorables, puis à date, les personnages sont super intéressants, puis j'ai vraiment hâte de voir. Où est-ce que ça va s'en aller? Mais à date, on me l'avait décrit, j'en avais entendu parler en podcast, que c'était un jeu un peu. Que c'est un jeu pour prendre le temps. C'est comme pas un jeu que tu peux rusher, genre. Puis c'est ça, parce qu'aller d'un endroit à un autre, quand ton bateau. Genre, tu choisis une destination avec ton bateau, plus il se rend. Plus ça prend le temps que ça prend, mais. Y a pas de fast travel, faut qu'il se rende. T'sais. Je sais pas s'il y a du fast travel éventuellement, là, mais en tout cas, pour l'instant, j'en ai pas. Mais en attendant, toi, t'es sur le bateau, puis sur le bateau, mais t'as des choses à faire comme pêcher, puis jaser, puis cuisiner, puis jardiner, puis jouer de la musique pour faire pousser tes plantes, which is adorable. C'est vraiment cute. C'est la Okay. dernière affaire que j'ai appris là, quand j'ai arrêté de jouer là. Il y a quelqu'un qui m'a montré à jouer de la guitare pour mes plantes. Ça fait très mon voisin Totoro. Un peu, ouais. Mais c'est ça, j'ai vraiment l'impression que c'est comme ça prend le temps que ça prend, puis comme non seulement ça, mais quand t'arrives le plus profond de la nuit, tu peux plus naviguer, il fait trop noir. Fait tu peux continuer à faire des trucs que tu voulais faire sur ton bateau, mais toutes tes voyons, tes habitants, toutes les âmes que tu promènes sur ton bateau, ils font dodo, fait qu'ils jasent pas. Fait tu peux faire une coupe d'affaires, mais tu peux juste te coucher puis attendre à la prochaine nuit. Comme le jeu, il est comme. Genre là, tout est fermé là, fais ce que tu veux là, mais c'est l'heure du dodo. Fait que ça, c'est pas un jeu qui fait comme, OK, là, on est ici pour de l'efficacité. On est ici pour planter du maïs à 8 heures, le récolter à midi, le replanter à midi et une, le récolter à genre 4 heures et une. On est pas ici pour ça. On est ici pour partir là-bas, voir qu'est-ce qu'il y a là-bas. Puis en attendant qu'on se rende là-bas, bon, je vais tirer ma ligne en arrière du bateau. Puis je vais peut-être pogner quelque chose. T'étais-tu en train de décrire Stardew Valley? Ben, dans Stardew Valley, tu dors, là, au moins, là. Mais ouais, un peu, tu sais, comme. Genre, tu peux pas. Je trouvais que Oblette, c'était un peu moins pire là-dessus, mais Stardew Valley, comme. Je peux pas me coucher. Ben, je le fais avec Oublette, remarque, là. Je peux pas me coucher s'il me reste de l'énergie. Genre, à moins vraiment qu'il est trop tard pis que le jeu menace de, genre, me fermer dans la face, là. Ben, tu tombes des pommes, là. C'est un peu compliqué. Mais, comme. Ouais, c'est que Stardew Valley, si tu prends trop de temps avant de starter tes semis au début de la saison, ils auront pas le temps de pousser pis tu vas avoir manqué des journées dans ta saison. Tu sais, si t'as des semis qui prennent 10 jours à pousser pis que la saison dure 30 jours, ben, t'es mieux de les planter le jour 1, hein, parce que sinon, tu vas faire juste deux batchs de semis au lieu de trois, fait que là, c'est bien moins d'argent dans tes poches. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que c'est pas un jeu qui te demande de min-maxer tes shit, pis de genre d'être efficacité, production. C'est pas comme si Stardew Valley t'obligeait à faire Non, ça, il mais t'oblige pas à faire tu ça. te sens comme si tu vas être un peu puni si tu le fais pas parce que tu pourras pas grossir ta maison aussi vite. Fait que là, Ouais. tu trouves des trucs, puis à un moment donné, tu te sens obligé de les faire, puis ça devient comme un job. Parce que des fois, c'est ça, si tu sautes une saison. C'est ça, Stardew Valley t'oblige pas à faire ça, pis y'a ben du monde qui joue super chill, là. Mais je pense que c'est ça que Camille faisait aussi, par exemple. C'est que c'est ça, si tu veux. Si, genre. Optimiser tout, Mais oui. c'est ça, c'est que si le, voyons, le community center, le centre communautaire, il te demande d'avoir tous les types de poissons, pis y'a des poissons qui se pêchent juste au printemps, si tu le pognes pas le premier printemps, faut que t'attendes que le printemps revienne pour pouvoir pêcher ce poisson-là. Fait que là, tu viens de perdre un an. Pis comme, c'est ça, tu peux jouer chill, mais quand t'es un gamer, tu regardes ça pis t'es comme, fuck! J'ai perdu un an! À genre pas pouvoir débloquer cette fonction-là dans le community center, c'est inacceptable. Si tu fais un autre playthrough, c'est sûr qu'au printemps, tu vas t'assurer d'avoir pêché absolu fuckingment tout. Comme ça, t'auras pas, genre. Tu sais, ouais, c'est plus une affaire de gamer, mais j'ai l'impression que ce jeu-là, il est comme. T'as le temps. En tout cas, c'est ça, j'ai pas joué assez, mais j'ai bien hâte de voir. Je suis pas sûr qu'il va avoir des affaires de genre limitées non plus. Tu sais, les gens comparent avec Animal Crossing, puis à date, je comprends pas pourquoi. Comme peut-être parce que t'as La des. vibe, l'ambiance, Ouais. les dialogues entre les Mais c'est peut-être bonhommes, parce que t'as le des cute. personnages, c'est ça, t'as des NPC sur ton bateau, puis eux autres, ils ont des demandes. Ils genre, faut que tu leur donnes à manger, mais ils mangent pas tout le temps la même affaire. Donc le premier personnage que t'as, là, déjà qu'elle a une fine bouche, en plus, elle peut pas manger la même affaire 2 jours de suite. Même si c'est quelque chose qu'elle aime. Allez, là, j'ai Wow. mangé ça hier, je vais quand même pas le manger aujourd'hui. Elle est un peu baveuse, puis je suis comme, bitch, c'est ton repas préféré, puis tu veux pas le. Fuck you, faut que j'aille cuisiner d'autres choses. Fait que j'ai l'impression que c'est un peu comme ça, comme dans Stardew Valley, comme dans Animal Crossing, dans le sens qu'il y a des NPC qui sont comme, je veux une rose rouge de tel genre, puis j'accepterai rien d'autre, je sais pas. Mais comme, dans le sens où, comme, les journées, mettons. Comme Spiritfarer fonctionne pas avec les heures de la journée, là. Il a son propre cycle de journée, puis tu passes à travers. Tu sais, quand tu mets le jeu en pause, le jeu est en pause. Tu vas pas revenir, Oui. puis toutes tes âmes mortes sont plus mortes puis sont déshydratées, là. Non. En fait, ouais, c'est vrai, c'est des âmes mortes. En fait, si tu les nourris pas, je pense que ça te dérange pas. C'est juste que leur mood, ils ont un axe de mood. Puis là, je suis pas encore rendu là, mais de la façon que c'est écrit dans l'axe de mood, plus ils sont élevés, plus il y a des tâches qu'ils vont faire pour t'aider sur le bateau. Fait que tu sais, comme t'es pas obligé d'améliorer leur mood. Ben, en fait, peut-être que pour compléter leur quest, à un moment donné, t'es obligé d'améliorer leur mood, là. Maybe. Mais j'ai l'impression que c'est pas obligatoire, mais comme si tu les gardes heureux, ben ils vont te donner un coup de main dans les tâches que, tu sais, comme la maintenance. De ce gros bateau-là que tu peux upgrader, que j'ai bien hâte d'upgrader parce que comme j'ai vu des screenshots de bateaux fucking épiques. Puis genre avec comme parce que c'est drôle, genre tu bâtis des affaires sur un bateau. Mais comme tu bâtis une maison, puis par-dessus un shack, puis par-dessus un jardin, puis par-dessus un autre shack, puis comme tu bâtis vertical sur un bateau. Comme, en tout cas, ça fait pas de sens, mais j'ai hâte de j'ai vu des screenshots fucking épiques, mais moi j'ai encore juste un petit espace de bâtissage sur mon petit bateau. Parce que j'ai pas de grid encore. Ah, Fait que tu vas Dranzior, faire des. Tu fais ça. des. Comment t'appelles ça? Des gratte-ciels sur ton bateau Oui! Mais pour maximiser l'espace. un gratte-ciel, tu t'imagines une structure régulière, tu sais? Tandis que là, comme. T'as plein de petits bâtiments de tailles différentes, puis entrecoupés de jardins. Ça a l'air d'un cafouillis de bric-à-brac, genre. J'aime vraiment le style, là. Y a pas un film de. Il n'y a pas un film de Miyazaki qui a ça, où c'est un. Où c'est dans Professeur Layton, il y avait une ville que c'est une tour. Que c'est une Comme. tour? Il y avait... Il me semble que j'ai vu ça, c'était un animé. C'était une tour de building tout croche, empilée n'importe comment, super haute, puis tu fais Ah, je comme sais pas. impossible que ça tienne, cette affaire-là. Mais ça tient. Mais ça tient parce que c'est un dessin animé. Il me semble que c'était genre le premier professeur Layton. Non? Ça me fait penser au Moving Castle, mais. Ouais, C'est peut-être Howl's Moving Castle. parce que le premier professeur Layton, non, c'est un village normal, mais tout le monde est un automate, genre. Tout le monde est des automates, puis le fait que les gens disparaissent au beau milieu de la nuit, ça veut rien dire, c'est parce qu'il y a quelqu'un qu'il faut qu'il crinque. En tout cas, gros spoiler pour le premier professeur Layton, qui est un très beau jeu. Mais ok, Dranzior, j'ai pas joué assez pour que quelqu'un se rende à très sad, mais je savais pas qu'avec un repas, il se rendait. Comme, en ce moment, aussitôt que je vois qu'ils ont moindrement faim, je leur donne la bouffe. Puis probablement que j'en gaspille beaucoup pour ça. Mais ouais, Gwen a survécu de café et de popcorn. Mais pas le même 2 jours de suite, parce que. Connaît du Puis monde. sa raison, c'est parce que, genre, je m'haïs pas encore assez pour ça. Genre, elle est vraiment sassie. C'est elle qui dit aussi au raccoon vendeur, elle dit que c'est pour les gens comme toi que les doigts du milieu ont été inventés. J'étais genre, Wow. Wow. L'écriture, à date, l'écriture a l'air vraiment on point, là. Mais c'est ça, le premier personnage auquel il donne accès. Peut-être que c'est pour dédramatiser le fait que c'est tout du monde mort qui s'en va vers leur dernier voyage. Mais comme juste vraiment sassie. Damn. Juste comme vraiment genre j'ai déjà mangé ça hier. Elle appelle un trash panda. Oui, mais c'est un genre de gros fat raccoon que genre il essaye de te swindle là. T'arrives puis il essaye de te vendre des affaires à genre 5 millions de dollars. Puis Gwen C'est est comme sûrement pas une référence à Animal Crossing. C'est Tom Nook? Oh fuck, c'est vrai, j'ai pas pensé. Ah ben oui, c'est un raccoon. Il ressemble vraiment pas visuellement, parce que Tom Nook est brun, puis lui, il crie comme un vrai raccoon. Mais oh shit! Mais la joke est là pareil, on dirait. Ouais! Je n'avais pas pensé. Ben tu sais, des raccoons, c'est des trash pandas, mais... Ah ben, c'est bol. Ouais, c'est peut-être J'ai ça. jamais entendu ça, moi, Trash Panda. Hein? T'as jamais entendu ça? Pour parler de raton laveur. Un raton laveur? Oh mon dieu. T'as pas vu assez de mèmes de raton laveur. Je pense que je suis très entourée de gens qui s'identifient beaucoup au raton laveur. Fait que. Wow. Non, je sais pas. Mais ça vit dans le trash, pis ça a l'air d'un panda. Ça mange des Ben déchets. oui. Ben Ben oui, absolument. oui. C'est Mais juste que bref, moi, je j'ai suis hâte pas de sur voir les le jeu. pages de mimes de Trash Panda. Mais pour vrai, je suis plus ma sur Facebook, là, mais j'étais réellement abonnée à une page qui s'appelle Coon Core. Pour genre Raccoon Core, puis que c'est que des photos de genre de ratons laveurs pris en flagrant délit dans des poubelles. Oh boy. bref, j'ai vraiment pas joué assez. Mais Fire Emblem, ça avance, par exemple, mon husbando est pas mort finalement. Fait que, je sais pas, on va peut-être faire des bébés un jour. Mais je pense pas que ce soit ce genre de jeu. Snap. Non. Bref, c'était ça pour moi cette semaine. Ben, ça file comme une belle semaine. J'ai pas eu le temps de jouer tant que ça, parce que je retourne au travail, puis Ouais. j'ai eu de la misère à m'habituer à travailler de la maison. Puis là, j'ai passé la semaine au laboratoire, puis mon corps est comme j'ai Ah mal aux ouais. jambes, là! J'ai mal aux jambes, j'ai mal aux pieds, j'ai mal partout! Parce que je travaille debout, tu sais! Fait que ça. J'ai fucking mal aux pieds! Vous avez pas des petits tapis en caoutchouc mou pour le confort un petit peu? No, I wish. Non. Ah, ça prend ça des Meilleur. fois. Ouais. Je prendrai des meilleurs souliers aussi. Je vais checker ça en fin de semaine. Les tapis de caissière, là, ouais, ça s'achète. C'est pas si cher que ça. Et je connais des gens qui ont des bureaux debout, là. Puis qui avait aussi un petit tapis de caissière acheté sur Internet pour pas trop cher. Puis ça fait une différence là. Mais c'est que je suis dans comme 3 labos différents avec Ouais, genre il faut que tu plusieurs marches en benches plus. là. Ouais, c'est ça, Ça t'en prend plein de place. Ça t'en c'est pas prend super. quatre. Soit J'ai tout le ça temps à ou prendre de des chaises place de là. labo, mais. Ouais, mais j'aime pas ça. On dirait que j'aime mieux travailler debout, c'est comme plus dynamique. Comme, je sais pas. C'est sûr. Ouais, mais là. Je Pour te travaille plus debout. réhabituer, là. C'est Ah, comme, ouais, tu c'est fais ça, pas un solo finalement. de guitare assis, là. Non, exactement. Mais non, Ça n'a sinon rien à t'aurais voir! juste un clavier. Ça n'a rien à voir, Mais mais... même du clavier, tu veux jouer debout des fois, là. T'as pas toujours besoin du petit banc. Oui, dans un show rock, le drummer est assis, puis c'est le seul. Ouais. Parlant de... Mais là, je reviens sur le truc que tu parlais, ton husbando, là. Oui. J'ai joué un jeu de dating, moi aussi. Yay! Wow. J'ai commencé à jouer à Love Link Pi! sur téléphone. Bon, là, on va mettre les choses au clair. Disclaimer. C'est quoi disclaimer en français? Attends un peu. C'est pas un message d'intérêt public, là, mais c'est comme le même. Ouais. En tout cas, je révèle. La même affaire. Je dois révéler que le Love Link est un jeu fait par la compagnie là où je travaille. Je n'ai pas travaillé sur le projet, mais c'est quand même un jeu de la compagnie. Fait que je pense que techniquement, j'ai pas le droit de dire du mal de ce jeu-là selon mon contrat, mais. Un démenti. Ah, ben oui. Ouais. Puis, je sais pas s'il y aurait des synonymes un peu plus courants, mais Une effectivement. décharge, un déni d'intérêt. Déni d'intérêt, oui. Non, c'est pas le contraire. Dénégation de responsabilité, dégagement de responsabilité. Je sais pas, hein? Ouais. C'est un peu très légal, hein, mettons. Ouais. En tout cas, En bref. C'est ce tout que cas, j'ai juste trouvé. dire, full disclosure, c'est un jeu de la compagnie. Mais, j'ai quand même joué, puis c'est le fun. Ouais. Ouais. J'ai pas eu le temps encore là. Ça fait tout pour ressembler à une application de dating style. Bon, j'ai jamais utilisé Tinder, là, mais j'imagine que ça ressemble à Tinder. C'est pas Que très genre, compliqué. t'as des profils, tu swipes à gauche, swipes à droite, tu lis un petit peu leur petite description, puis t'espères avoir des matchs. Puis là, ben, si tu matches, ben là, tu peux chatter avec l'autre personne. Puis c'est ça. Bon, les chats se font. Évidemment, les chats, c'est du texte pré-fait, là. Fait que tu peux pas écrire toi-même qu'est-ce que tu vas dire. T'as des Mais à choix? certains moments, il y a des choix. Ok. Pas tout. Souvent, tu vas avoir des grands bouts où est-ce que tu vas. Toi et l'autre personne allez écrire. Fait que tu fais juste taper dans l'écran, puis ça. Tu vois que ça remplit ta boîte de texte, puis tu cliques sur send, genre. Fait que tu choisis pas. Puis. Tu peux répondre avec des emojis à certains moments. Puis tu peux. Puis des fois, tu as des choix à faire. C'est sensiblement ça. Je suis pas encore très loin, là. Il y a quand même beaucoup de personnages qui ont l'air d'avoir beaucoup de choses à dire. Puis, comme un vrai truc de dating, puis de chat, ben, des fois, l'autre personne est comme genre, bon, ben, alright, je te reparle plus tard. Puis là, ben, il faut que tu attendes un nombre d'heures dans la vraie vie que. Oh, ah ouais, ils font comme Ben. Mystic Messenger, là. Ils te font languir pour vrai. Ouais. Je suis sûre que c'est quand même efficace. Surtout si t'as une notification qui t'avertit quand que la personne a te Ben réécrit, là. oui. Parce que là, Ben t'es oui, tout t'es. excité, tu sais. Ben oui, moi, je vais descendre dans mon téléphone. Là, j'ai. C'est sûr que c'est efficace. Clémentine qui m'écrit Hi! Angel qui Clémentine. m'écrit Serious question. Je sais pas ça va être quoi cette serious question. Fait que tous les bonhommes Pam, pam, pam. t'écrivent pour. C'est ça, fait que tu reprends la conversation. Puis j'ai vu, il y a des gens à job qui sont plus loin que moi, qui jouent plus. Ils sont plus loin. Tu peux avoir comme des dates, puis là, comme, il se passe de quoi, mais je sais pas. Il y a comme, c'est une image, en fait. Oh, you gonna smoosh. Gonna Ben smoosh. là. Ben, toi, tu vois pas ton personnage. Fait que j'imagine que Oh, non. Tu vois ok. jamais ton propre. Tu vois. Parce que tu joues toi-même. Ouais. Techniquement, je joue moi-même. Tu crées ton profil. Fait que c'est Ah, c'est vrai, puis tu peux toi-même. avoir n'importe quel genre, puis tout, ouais, ça serait bien trop Il compliqué. faut que tu mettes ta bouche dans ton écran. Mouah. Moi, peut-être que tu pourrais faire ça, genre. please put lips here, puis là, tu fais juste mettre ton pouce si t'es comme moi, puis t'es comme genre, je vais pas mettre ma bouche sur mon téléphone, wesh. Ben ouais, c'est ça, c'est juste vrai, c'est des petites conversations. Puis, ce que je sais, parce que l'équipe du jeu a fait des présentations, c'est que chaque personnage a quand même des histoires un peu plus élaborées que juste « Ha-ha-ha, allô, comment ça va? » Même si ça commence toujours un peu par ça, t'as différents profils. Puis, ouais, puis tu... C'est ça, ben t'avances dans leur histoire, finalement. C'est comme là, il y en a une, elle travaille dans un refuge pour animaux. Là. Fait que là, je me doute que... T'sais, elle arrête pas de dire que le refuge, il manque d'argent. Là. Fait que là, je m'imagine qu'il va y avoir des conflits d'intérêts ou des dilemmes. Puis là, qu'elle va me demander mon avis, genre, qu'est-ce que je devrais faire? Est-ce qu'on devrait libérer les animaux ou toutes les tuer? Je sais pas. Fait que, ouais. C'est ça. Je suis pas encore, tu sais, j'ai pas joué tant que ça. Mais c'est bien cute. C'est très positif parce que c'est ça qui est quand même cool. C'est que tu joues ton propre rôle. Le jeu te dit de choisir une image. Mais tu sais, c'est une image, c'est plus comme une silhouette ambiguë. Tu es comme une silhouette à cheveux longs, une silhouette à cheveux courts, une silhouette à cheveux d'inzère. Puis that's it. nice. Puis tu mets ton nom. Fait qu'il te demande pas si t'es un gars ou une fille. Ou autre, okay. Te demande rien. Puis fait que tu peux dater un peu n'importe qui dans le fond. C'est comme ça dépend de qu'est-ce que tu swipes. Si tu swipes des gars, ben tu dates les gars. Si tu swipes des filles, tu dates les filles. Si tu swipes toutes, ben tu dates toutes. je pense que c'est pas tous les personnages que tu swipes qui ont des choses à dire, mais ben que tu peux matcher avec puis donc chatter avec. Mais, comme, il y en a un, c'est un chat, là. Oh, yeah! Il y a un chat. Oh, fuck yeah! Tu peux swiper le chat. C'est mon choix numéro un, ça. Là, ouais. Puis, tu sais, il y a des personnages... Tu sais, je me disais, genre, OK, ben, il faudrait quand même que j'essaye, pour ma curiosité personnelle de gamer, faudrait que j'essaye quand même de dater quelques gars. Mais tu sais, les gars, là, je suis comme... Ah, t'as de l'air tellement pas intéressant. Toi, t'es... Oh, le joueur de football, tu sais, je m'en calisse de toi, là. L'homme d'affaires, tu sais, comme, va-t'en. Il y en avait un, j'étais comme... Sa description, tu sais, comme le gars, il est comme... Tu sais... Les cheveux noirs longs, mystérieux, regard mystérieux et raffiné, et riche, et sa description... Et je pense qu'il y a des longues canines. Puis là, sa description, c'est genre comme « Oh, I am hungry for you! » Puis là, t'es comme de, « All right! Let's go! On va dater le vampire! » Fait que je swipe le vampire. Puis là, comme... Je sais pas exactement à quoi je m'attendais, mais comme... Mon texte de moi-même n'a pas attendu... La première ou la deuxième phrase que je dis, c'est comme « Fait que, ouais, tu te la joues vampire? » Puis l'autre est comme « Je vois pas qu'est-ce que tu veux dire. » Mais non, là! Puis là, ben, tu sais, mon dialogue fait comme ben des jokes, puis l'autre, il répond avec ça, mais comme l'autre, il a de l'air super pur, on va dire, comme « Ben non, là, je vois pas de quoi tu parles. » Ah, OK. Puis là, t'es comme, OK, I guess que peut-être que non, finalement. Mais peut-être que c'est juste une feinte, mais à date, comme, il l'a bien subtil, là. C'est comme, j'ai de moins en moins de soupçons, mettons. Il a juste l'air d'un gars gentil. Ah, puis des fois, les bonhommes, ils t'envoient des photos, mais ils sont blurry. Puis là, il faut que tu payes des gems pour les déblur. Pour voir les selfies? Pour voir les selfies. C'est si agace. Je pensais que t'allais dire qu'ils étaient blurry parce qu'ils sont pas bons pour prendre des selfies puisque c'est comme un trait de personnalité cute, là. Ah, non, ça, il y a un gars que c'est comme ça, genre... Il y a un gars, je pense qu'il s'appelle genre Robert, 57 ans, grisonnant avec calvitie, bedonnant. Sa photo, c'est comme quand ma mère ou mon père me parlent sur leur iPad. Oh my god, comme oui. Mal cadré. Ah oui. Awesome. Sa description, c'est genre... je sais pas comment ça marche! Si tu cites le Google! Fait que je l'ai swipé à droite, lui. J'étais comme, je vois que ça va faire. Mais il m'a pas matché encore. Oh no. Dans Mystic Messenger, il y a un gars comme ça aussi qui prend tout le temps des photos de son chat, mais il prend tout le temps des photos de son chat en mouvement. Ils sont tout le temps flous. On dirait que c'est comme un trait de caractère, genre que lui est incapable de prendre des photos comme tout le monde. Il aurait besoin du mode rafale. Oui, c'est ça. I guess que c'est à ça que ça sert, je sais pas. Si tu prends 300 photos par minute, il doit bien en avoir une de bonne dans l'eau. Exactement. Mais après ça, faut que t'as trouve. C'est comme on parlait prendre trop de photos de voyage. Après ça, faut que t'as trouve. Fait que ouais. T'sais, le jeu, on va parler un peu de monétisation. Là, c'est quand même un jeu gratuit de téléphone. Mm-hmm. Le jeu semble bien se jouer. T'sais, tu vas passer ta. T'sais, il va te présenter un stack de personnages à swiper. Puis là, ben, si tu passes la pile trop vite, ben là, le jeu, t'sais, comme, ben, paye ou reviens plus tard. Mais c'est comme ça, t'sais, j'en veux pas des dizaines non plus, parce que comme là, j'ai comme 6 conversations en parallèle, puis j'ai comme envie de dire que ça commence à être pas mal. Fait que j'ai envie d'attendre. J'ai envie de comme d'arrêter de faire des matchs, puis de juste continuer les histoires de chaque personnage. Y a des personnes... Puis après ça, l'autre affaire que tu peux acheter, c'est de révéler les photos. Ouais, c'est ça. Mais fait... tu peux pas y avoir accès pantoute juste en jouant? Ben, tu peux gagner des gems gratuitement. Là, à toutes les 6 heures, je pense, tu peux payer 5 pitons pour... Tu peux regarder une coupe de pub pour gagner un peu de gems de plus. Okay. Mais c'est... Ouais, c'est pas tant que ça. Mais, tu sais, tout ce qui te manque, c'est les photos. Fait qu'en même temps... Ah, c'est pas vrai! Une fois, il y avait un bonhomme, il y avait un choix de dialogue que je pouvais pas dire parce qu'il aurait fallu que je paye. Puis là, j'ai fait comme, bah non, ça me tente pas. T'sais, le jeu te donne quand même pas mal de gems pour commencer, mais ils partent vite. Ok, ouais. Puis, t'sais, je vais probablement mettre, je sais pas moi, 20$ pour encourager l'équipe, là, mettons. puis parce que je trouve que le jeu est le fun. Mais je sais pas si je vais mettre plus que ça, mettons. On verra. Des fois, c'est dur de résister parce que comme. Tu sais, la personne, l'autre bonhomme t'envoie la photo, puis là, ben, ton dialogue, il réagit à la photo. Puis là, fait que là, moi, ça me donne envie de... Tu sais, comme quand ma réponse, c'est genre, « Oh, wow, who's your friend? » C'est comme, ben là, je la vois pas, je sais pas de quoi tu parles, c'est comme... C'est agace. Ouais. C'est un peu ça. Fait que ça m'est arrivé de faire comme, « Oh non, je vais pas la révéler cette photo-là, là, quand même. » Puis là, je continue, puis là, 10 phrases plus loin, je suis comme... Tu sais, ils parlent... Les personnages sont en train de parler de la photo, puis je suis comme... Oh là, j'ai vraiment envie de la voir! OK, je vais payer. Ah oui, 100 gems, let's go! Fait que ouais, ça s'appelle Love Link. C'est très inclusif. Y a des personnages de différentes nationalités, de différents genres, de toutes... Ben, tous les personnages sont gays ou lesbiennes selon qui t'es. Ils sont gays pour toi. Sont tous bi, en fait. Ils sont tous bi pour toi. Ils sont tous vraiment contents de te parler. Fait que c'est drôle. Ben, à moins qu'ils te rappellent pas, mais dans ce cas-ci, c'est relativement clair. Ouais, c'était ben, je pense que c'est parce que c'est pas tous les personnages qui ont des dialogues, en fait. Ah, ok. Je pense qu'il y a des personnages qui n'ont juste pas de dialogue. Ou en tout cas, ils n'ont pas de dialogue pour l'instant. Mm-hmm. Parce que je sais que l'équipe nous ont dit qu'ils regardent c'est quoi les personnages les plus populaires. Puis là, ils sont comme, oh shit, tel personnage est bien plus populaire qu'on pensait. Ben, on va y faire des histoires. Mm. Ou tel personnage. Ah, ben personnage oui, parce qu'on voit combien il a été swipé. Ouais, ils ont des statistiques un peu, là. C'est intéressant, ça, comme technique pour développer. Ouais, ou voir. J'imagine que si un personnage est très populaire, ils vont peut-être rajouter plus d'histoire. Parce qu'il avait l'air de dire que chaque personnage a comme une fin en ce moment. Ok. Puis la partie que je sais pas, c'est si les histoires se. Tu sais, parce que Mystic Messenger, tu nous parles beaucoup que genre les histoires se recoupent. Ouais. Puis t'es. Là, je sais pas si ça fait ça. Je C'est un penserais pas. overarching story, là. Ouais. Ouais, je penserais pas, mais peut-être. Il y a peut-être des personnages qui connaissent d'autres, fait Ben qu'ils vont ouais, les dans le fond, mentionner. le monde est petit, là, fait qu'effectivement, là. C'est ça. Je serais pas surpris que, genre, tu puisses parler avec une fille, puis après ça, tu parles avec l'ami de la fille, puis la mère, ou je sais pas. Là, c'est moi qui invente, là, parce que j'en ai vraiment aucune idée. À date, j'en ai pas vu, mais j'ai pas joué tant que ça non plus. En tout cas, j'ai assez parlé de Love Link. Là, ça serait un truc cool à ajouter éventuellement. Yeah. Juste pour dire, il est en. Non, ils viennent d'annoncer qu'il est en World Launch. Fait qu'il est maintenant disponible partout, Yay! officiellement, sur iOS et Android. Je pense qu'il est juste en anglais, par exemple. Faudrait que je redemande à l'équipe. J'avais pas eu de réponse. J'ai posé la question, mais j'ai pas eu de réponse. Est-ce qu'ils vont le faire en d'autres langues? Parce que c'est quand même beaucoup de texte à Ouais, ça doit traduire. être juste ça, en fait. Ouais, vraiment. Puis une coupe de photos, là. Ouais. Cool. Blum, t'avais-tu des jeux cette semaine? Ben, je mentionnais Spider-Man peut-être avant que l'émission commence, mais avec le temps qui nous reste, je suis pas sûr que j'ai tellement le temps d'embarquer là-dedans. C'est vrai. Je peux donner deux, trois commentaires, mais je les ai probablement déjà mentionnés. Ça file comme un clone de Batman, mais à craquer la difficulté un peu, j'ai compris les différences un peu, puis ça m'a fait penser à une coupe d'affaires que peut-être il aurait dû faire, mais qui semble difficile un petit peu. Fait que, en étant Spider-Man, tu sais, en principe, tu peux marcher sur les murs, sauf que c'est pas quelque chose que tu fais ben souvent, parce que c'est un peu difficile à gérer, là, comme il y a beaucoup d'objets qui peuvent se retrouver sur les murs, puis comme. Pas comme un plancher que tu peux designer comme étant propre, que tu marches partout puis tu contournes. Fait que ce que je trouvais, c'est que je finissais par me battre souvent, normalement, comme si j'étais Batman sur le plancher. Puis j'ai cru comprendre avec le temps que c'est pas la meilleure façon. Fait que j'ai essayé beaucoup plus de gadgets puis de techniques de toile, puis ça a amélioré de beaucoup mon expérience. Fait que la seule affaire qui manque, c'est justement de pouvoir utiliser les murs autant. Fait que comme un jeu qui se joue comme la série Batman Arkham, ils ont fait exprès d'intégrer qu'est-ce qui était bon, puis aussi d'intégrer plusieurs différences. Mais c'est peut-être pas encore assez différent dans les styles de combat que tu fais. Comme tu peux nécessairement t'en sortir assez bien en faisant juste beaucoup de coups de poing parce que mentalement, c'est comme. Tu dis que tu veux battre un combat, tu y vas paresseux, tu pèses sur frapper jusqu'à temps qu'il n'y ait plus personne. Ouais. Comme tu frappes, tu dodges, tu frappes, tu dodges, tu sais. C'est le problème de tous les jeux, t'sais, open world comme ça, là. T'sais, tu décris Batman, mais puis de Spider-Man, mais comme moi j'avais joué à le jeu des orques, là, Shadow of Oui. Mordor, c'est la même affaire, à moins que, comme tu dis, tu montes un petit peu la difficulté. Assassin's Creed, c'est vraiment ça aussi, là. T'sais, tu fais juste comme attaque, attaque, attaque, attaque, puis that's it. Ben, puis le jeu n'est pas fait nécessairement pour que tu fasses ça. C'est juste que, dépendamment de quel style de joueur, si t'es pas capable de juste faire ça, puis aujourd'hui ça te tente pas, tu vas juste descendre la difficulté ou quelque chose là. T'sais. Ouais, ben Puis, faut que ça devient un choix, c'est comme qu'est-ce que t'aimes dans ce jeu-là? Tu joues à ben c'est ça. Easy, ben ouais, tu vas pouvoir t'en débarrasser facilement. Mais il y a quelque chose de fondamental dans je trouve la quantité de dommages que tu fais puis que tu te fais faire comparativement à Batman, qui que me semble que dans Batman, je pouvais me faire frapper beaucoup plus, alors que dans Spider-Man, il y a beaucoup genre de monde avec des guns puis des affaires spéciales qui me down quand même assez vite, sauf que moi aussi, j'ai plein de techniques pour les downer quand même assez vite. Fait que c'est comme si c'est plus nerveux, comme il y a plus de risques, mais tu peux aussi... Comme si le plafond est plus haut aussi au niveau de l'exécution. Quand tu joues bien, tu peux aller comme vraiment bien gérer les affaires. Intéressant. C'est difficile aussi de juger le jeu parce que au départ, qu'est-ce que les outils auxquels tu as accès, puis ce que tu as à la fin, c'est comme le jour et la nuit, là. Ça fait peut-être pas très Spider-Man, mais rendu à la fin, t'as comme des petits drones puis des pièges, un peu comme dans Batman, que tu peux mettre sur les murs pour poigner tout le monde. Puis quand tu le Des fais comme il faut, tu gadgets. peux. Ouais, c'est ça, t'as plein de gadgets. Fait que là, l'idée, c'est que si t'as 10 personnes à battre, des fois, t'es chanceux, tu mets un gadget sur un, comme le piège, justement. Ben, le piège, il va attraper la personne sur qui tu le mets, puis il va viser sur l'objet le plus proche. Mais si c'est un autre gars, parce qu'il était un en face de l'autre, tu pourrais attraper deux personnes avec le même gadget. Là, je pense que ça, quand tu upgrades au maximum, tu peux en avoir quatre. Fait que tu peux comme clairer une zone super vite si par hasard, tu es capable de toutes les pogner en paquet de deux. Puis ben, au départ, il n'existe pas. Puis quand tu commences à en pogner, ben, je pense que tu en as juste deux. Il faut que tu les upgrades en faisant un petit peu de grinding. Genre, tu résous des crimes, puis tu te portes au secours de monde dans la ville jusqu'à temps que tu aies assez de petits jetons pour pouvoir upgrader tes affaires. C'est-tu Iron Man qui upgrade tes affaires? Non, il n'y a pas beaucoup de références au reste des Avengers. Il y a OK. la tour des Avengers dans New York, mais à part de ça, Ooh. il en parle à peu près pas. Il y a comme une joke par-ci, par-là, de temps en temps, peut-être, qui fait référence à d'autres choses, mais. C'est un Spider-Man en milieu de carrière, mais il y a pas de personnages de d'autres franchises vraiment qui interviennent. Il y a peut-être comme le Kingpin, je suis pas sûr si c'est un personnage originellement de Spider-Man, mais si j'ai bien compris, il a intervenu dans Daredevil puis dans Spider-Man aussi, parce que les deux se passent à Ouais. New York. Il semble que ouais. Le Kingpin, c'est Wilson Fisk, là. C'est comme un gros monsieur super large, tout le temps complet, qui fait des affaires de mafieux, mais en réalité, il est super musclé. Ça fait qu'il y a ce gars-là. Je sais pas si c'est Être un. mafieux, c'était genre, ça fitait pas avec le fait d'être musclé. Je sais pas. Non, ok, mais il est comme musclé, genre super-héros, là. Ah, Comme pour il est vrai? capable de Ah squeezer ouais! Spider-Man puis faire C'est mal, là. vrai. Ça, c'était pas Puis. évident dans Daredevil, me semble. Il est pas, ben, c'est parce que ça, dans le film, peut-être, ça dépend des supports. Je pense que dans la BD puis dans certaines adaptations, il y a une force un peu surhumaine. Oh. Mais s'ils l'ont adapté pour Daredevil dans un film puis dans une série, ça veut pas dire qu'ils ont donné ces caractéristiques-là parce que je suis même pas sûr d'où est-ce que ça sort. Bon, dans la série Netflix, je pense que c'était juste un dude avec ben de l'argent et du pouvoir. Ouais, ben, ce qu'il y a comme super méchant, c'est qu'il utilise pas nécessairement sa force pour faire ce qu'il fait. C'est juste un accessoire. Fait que, de temps en temps, t'es comme, mais pourquoi Spider-Man, il fait juste pas y péter la gueule? Puis là, il essaye, puis comme, il se défend, parce que finalement, sans que tu t'en doutes, il était vraiment super fort. Ouais, c'est quand même pas une mauvaise twist. Non, c'est sûr. Il y a une couple d'autres personnages comme ça, là. Quand tu fais les DLC, il y a un gars qui s'appelle Hammerhead. Il a comme une plaque de métal dans le front, fait qu'il est capable de frapper tout le monde avec sa plaque de métal dans le front, parce que Oh. sa tête est invulnérable. Il headbump les gens to death. Ouais. Puis là, il fait un truc comme pour que le reste de son corps devienne invulnérable aussi. C'est ça, toute l'espèce de chapitre de DLC, c'est l'histoire de lui, là. Qui essaie d'être imbattable. Il y a un autre bonhomme dans le même genre qui s'appelle Tombstone, qui est comme supposément indestructible. Puis tu peux aller le voir en faisant des side quests. Il y a carrément genre des méchants cachés, des affaires cachées. Si Ben tu fais oui. pas les side quests, tu les verras pas. C'est quand même le fun, ça. Fait que ça vaut la peine de faire les side quests, bref. Ouais, honnêtement, je pense que j'ai presque toutes faites les side quests, là. Il y a une couple d'affaires que j'ai pas faites, là. Genre, il y a un méchant intéressant qui s'appelle Screwball, qui, d'après moi, doit être relativement nouveau dans les BD, parce que... puis peut-être qu'elle existe même pas dans les BD, mais le truc, c'est que c'est une streameuse. OK. Puis, genre, elle fait des streams, mais c'est comme, c'est criminel. Genre, elle kidnappe des gens, puis elle invite Spider-Man à aller les sauver, puis là, elle a caché des bombes partout, puis tu fais comme une télé-réalité sur son stream, qu'elle a mis des caméras partout. C'est bien Ouais. hot! À de l'argent. C'est malade. Genre, personne la pogne. Puis c'est ça, c'est le genre de méchant-là, super impressionnant, la Batman, que c'est comme, ils ont pas de super pouvoir, mais comme, ils réussissent à voler de l'argent, puis eux autres sont pas intéressés juste par le crime, il faut qu'ils fassent de quoi de spécial avec, là. Eux autres, leur fun, c'est pas de faire des crimes, c'est de niaiser Batman. Ouais, ben c'est ça. Là, dans ce cas-ci, c'est de faire une télé-réalité avec Spider-Man. Puis là, genre, t'es obligé de jouer dans son jeu pour passer ses challenges. Fait qu'il faut comme, mettons, que t'ailles abattre des gars, mais quand la caméra devient rose, il y a un carré à terre, pis faut que t'ailles battre le gars dans le carré rose. Puis là, ça te donne des points, puis des émoticônes, puis tout. Eh bah oui. On s'attend-tu que dans la vraie vie, elle, son channel se ferait démonétiser bien vite? Elle pourrait le mettre sur une Sûrement, mais... plateforme indépendante puis gagner quand même plein de cash en tips. Ouais, en Bitcoin, I guess. Quand t'es un vilain, là, tu peux faire plein d'affaires. Sur le Mais... dark web. C'est ça l'affaire Je sais pas si le dans... dark web a des services de streaming. Il me semble que l'espèce de genre du super-héros, c'est fait pour ce genre d'affaires-là. Puis, en principe, je m'attendrais qu'une équipe qui fait ça, qui travaille dans le domaine, choisisse une affaire de même, là, que c'est comme une affaire de jeune, là, puis qu'il rate. Mais c'est plutôt réussi. Nice. Genre, ce personnage-là, elle anime ses émissions, puis comme c'est pas trop... Ils n'ont pas trop l'air d'essayer sans savoir ce qu'ils font. Ça file quand même authentique. C'est assez drôle, L'écriture, genre. j'imagine. Ouais, peut-être que les gens en langue originale, là, les gens qui... les anglophones, ils trouveraient que c'est un petit peu cringe, comme on dit, mais moi, en tout cas, en n'étant pas anglophone de naissance, je trouve que c'est bien écrit, puis ça file, c'est ça, ça file authentique, là. Honnêtement, les streamers, je les trouve déjà cringe en partant. Je pense que ça aide, ouais, mais l'actrice est plutôt bonne. J'aime sa voix, j'aime comment elle rend son personnage. Le méchant, en passant, il s'appelle Screwball. Je suis pas sûr si je l'avais nommé, Non. là. C'est une fille avec un casque bizarre, là, puis elle fait comme si elle streamait une émission, designée comme une émission de télé-réalité japonaise avec des jeux de fous, Oh wow. puis c'est ça met des gens en danger, puis là, C'est juste que c'est elle des a... jeux mortels. Ouais, c'est ça. Puis là, elle a des fans qui la protègent essentiellement, mais comme tu sais pas si c'est du monde qui la paye ou si c'est vraiment ses fans, mais tu sais, dans l'univers du streaming, tu dois imaginer qu'elle a réellement des fans qui la défendent. Il y en a un certain nombre, c'est sûr. T'imagines que c'est réel, là. Mettons qu'elle existerait, il y aurait probablement des gens pour la défendre. Ouais, mais dans la vraie vie, il y aurait aussi autant de gens pour l'attaquer parce que c'est une fille. T'aurais Gamergate à sa porte. I guess, mais dans cet univers-là, que les méchants puis les héros se fassent attaquer par les médias puis n'importe qui, ça fait partie du truc parce que déjà, Spider-Man, il y a un journal très important de New York qui arrête pas de poster n'importe quoi sur lui, là. T'sais, son employeur, quand il fait de la photographie, c'est J. Jonah Jameson. C'est le gars qui déteste Spider-Man, peu importe Ouais, qu'est-ce qu'il c'est fait. Même s'il sauve la vie, il dit: «Ah, c'est parce qu'il a arrangé quelque chose pour être obligé de me sauver, là, pour pouvoir ramasser de la bonne pub puis tout.» Il est là puis il fait des podcasts d'ailleurs, tu peux comme collectionner ses podcasts, Oh my god. Genre, qui te bitch dessus, hein? Oui, puis il y en a un pour presque chaque chose que tu fais dans le jeu. Comme tu Oh viens de my faire de God. quoi, il va probablement faire référence à ce que tu as fait dans son prochain podcast. Wow. J'en ai peut-être manqué des fois en passant d'une quest à l'autre trop vite, là. Comme si tu fais juste gosser dans la ville, tout d'un coup tu pognes un podcast de lui, puis là il décrit qu'est-ce que t'as fait. Puis, le seul moment où il va dire que t'as fait de quoi de correct, il va en rajouter comme c'est une chance parce que c'est lui qui avait causé ça à l'origine. Oh. Genre, jamais de compliments, jamais rien. Ça fait partie du personnage. C'est comme ça dans les BD, c'était comme ça dans les films. Je pense que ce dude-là, c'est le personnage le mieux conservé de l'histoire de la BD. Il y a un design intemporel qui va toujours marcher. De gosse. Oui, tu sais, c'est le monsieur avec les cheveux carrés, un petit peu grisonnant, puis la moustache, là, qui arrête pas de crier. C'est ça. Ouais, je pense que ça va faire le tour pour l'instant. Je vais revenir pour parler de l'expérience plus globalement, mais j'ai évolué dans ce jeu-là. J'ai changé de style, j'ai essayé des choses. Il y a Cool. pas mal de stock. Comme tu peux, quand tu décides d'essayer de quoi, tu dis OK, aujourd'hui, genre, je vais pogner un gadget que je prends jamais, puis je vais essayer de le pousser un petit peu. Ben, il y a plein de choses à faire. C'est intéressant ça. Moi, d'habitude, je préfère quand le jeu m'encourage un petit peu à le faire parce que sinon, je vais pas avoir cette motivation-là. Ben, il fait, sauf que des fois, tu vas tout le temps trouver la même solution, puis la façon que les combats sont structurés, mettons, tu utilises la toile électrique contre les gros bonhommes, les gros bonhommes, comme tu leur donnes des coups de poing, ils résistent bien, fait que comme tu es obligé de les paralyser d'une façon ou d'une autre, mais tu peux le faire avec des toiles électriques ou avec des toiles ordinaires, puis l'un comme l'autre ont leurs espèces de downside. Fait que, puis plus tard, t'en as avec des espèces de machine guns, mais eux autres, même s'ils sont pris, genre, ils peuvent comme te frapper avec le gun parce qu'ils se tournent sur eux-mêmes. Fait que là, tes stratégies d'avant, ils marchent pas pareil. Puis là, peut-être t'as des dudes qui tirent dessus en même temps. Fait que t'es comme obligé de penser à des nouvelles solutions de temps en temps. Tu peux pas toujours utiliser tes vieux combos du début. Il y a tout le temps des espèces de gogosses de plus. Ok, ça devient un peu extrême quand il y a plein de monde avec des jetpacks, mais j'ai fini par résoudre un peu les dudes avec des C'est quoi dans le nom de... Il y a pas une organisation scientifique criminelle méchante, genre, dans cet univers-là qui crée tout le temps plein de cossins scientifiques jetpack. trop hot, ouais. C'est Oscorp, mais là, dans ce cas-ci, les dudes avec des jetpacks, c'est une espèce de. C'est des mercenaires, dans le fond, qui s'appellent Sable. Ok. C'est comme une police que tu peux engager. Fait que c'est ça, Garda? Oscorp. I guess, sauf que dans cet Avec univers-là, des ils ont des gros jetpacks. guns puis des jetpacks. Oh yeah. Garda avec des jetpacks. Ouais, Ok, je puis vois. l'idée, c'est que je pense dans le DLC, ils se font voler. Fait que là, t'as tous les mafieux avec des jetpacks. Ouais. Puis les autres sont Wow. là comme à pied, rends-moi mon jetpack en courant Ah ben, derrière. eux, dans le fond, ils n'ont plus de contrat à ce moment-là, mais c'est parce qu'ils n'avaient pas tout récupéré l'équipement. Fait que les gars de Sable, ils sont plus vraiment là, mais leur stock était pas fini de shipper, fait que puis ils se l'ont fait voler avant de pouvoir le récupérer. Mais là, ils n'ont pas nécessairement de contrat ni de mandat pour retourner les chercher. Faudrait qu'ils attendent après la police. Puis c'est ça. Ça veut pas dire que la ville, ils vont leur donner le contrat. Fait que finalement, tu travailles avec la bosse de ça pour aller chercher le matériel. C'est pas mauvais. C'est vraiment cool. Ça parle. Ce jeu-là parle un petit peu d'itinérance, puis d'aider le monde pour vrai. Puis, ouais, parce que tu t'en vas souvent dans le foyer Feast où est-ce qu'ils ont des lits, puis de la bouffe. Tu passes dans la cafétéria, puis tout. Tu dis bonjour au monde. Tout le monde te connaît. Il y a comme une certaine partie du jeu où t'es pas Spider-Man, t'es juste Peter Parker, puis tu te promènes, tu fais des affaires. De temps en temps, tu fais de la science au labo, là. Tu fais une espèce d'imitation de spectrographie, puis une espèce d'imitation de circuit électronique, Pour avec faire une quoi? toune vraiment cool. J'aime que tu dises une imitation d'eux parce que toi, tu le sais que c'est pas vrai. Mais dans le C'est but de ouais, trouver quoi? c'est plutôt loin de la réalité. Ben, Tu vas aider le docteur Octavius qui travaille sur des membres artificiels. Fait que là, des fois, Oh. tu vas tester des substances pour l'interface neurale ou pour le matériel composite qui va faire la prothèse. Fait que là, tu testes des substances chimiques avec un spectrographe, puis là, ça te fait un spectre. Mais c'est plus comme faut que tu mettes des petits morceaux de spectre pour que les lignes du spectre y arrivent aux bonnes places, là. Ok. Mais Ça Docteur ressemble plus à Octavius, un. pas un méchant. C'est un gars normal qui devient un méchant. Ok. Puis justement, une partie du jeu, c'est est-ce qu'il va devenir un méchant ou est-ce que ça va arriver plus tard ou tu sais. Le docteur Octavius, il devient docteur Octopus plus tard. Mais tu vois comme un peu la progression, puis t'es comme. Ah, il va-tu virer fou? Il va-tu faire ses bras de pieuvre? Ou bien, si on gardait ça pour le 2, ou tu sais. Voilà, en plus que c'est des bras artificiels, c'est quand même cool. Ben, qui travaillent sur des membres artificiels. C'est Ouais, chouette. c'est ça. Plus, il y a une couple de personnages qui ont plus de saveur que dans les histoires classiques, là. Le docteur Octavius, selon les supports, Peter Parker va pas toujours travailler avec lui, mais dans ce jeu-là, ils ont décidé qu'il travaillait avec lui. Puis, ils ont décidé justement qu'ils travaillent sur les membres artificiels parce que dans l'histoire originale, c'est juste un professeur qui s'était fait des bras robots parce qu'il travaillait sur de la fusion nucléaire, puis il fallait pas qu'il touche au matériel avec ses mains. C'est juste Oh, ça. ok. En vrai, je savais Mais pas. là, tu es littéralement en train de travailler pour faire des membres artificiels, puis un gars qui se pointe qui a perdu son bras dans la guerre, puis là, il fait un test avec son nouveau bras pour qu'il fasse un câlin à sa fille. Puis. Comme il parle de ça. Non, c'est cool. C'est comme Batman, mais pas tout est dark. Il y a plus d'affaires positives. Ça se passe pas tout dans la même nuit, en plus. C'est comme plus espacé. Ah. En comparaison, l'histoire de Batman n'a pas beaucoup de saveur, finalement. C'est plus personnel. Tandis que là, peut-être un peu plus de world building, c'est pas tout à propos de ton personnage, c'est à propos d'un peu tout le monde. C'est à propos de la ville, c'est à propos de la vie, tu sais. Wow. Dans les jeux de Batman, c'était tout à propos de Batman, finalement. Ouais, vraiment. C'est cool de même, mais Spider-Man fait d'autres choses. Il faut, là, sinon ça serait le même jeu. Batman, il est juste trop égocentrique. Ah, Bon. mais ses C'est un parents, tu sais. millionnaire aussi. Ben oui, Ouais, puis ses ses parents parents. sont morts. Ses parents. Pense Hey. à ses parents. Hey, là, ils vont faire un nouveau film de Batman, Blob. Je me demande quelle scène ils vont mettre au début. Hey, ses parents. Sûrement. Même quand c'est pas un film de Batman, mais que Batman, il est un peu dedans, comme le film de Joker. Mais ses parents sont encore en train de se faire tuer. Faudrait que je l'écoute, ce T'imagines-tu, film-là. là? T'imagines-tu, là? Le meilleur combo, là, ça serait Batman et le jour de la marmotte. Et là, quelle journée qui va se répéter tout le temps? La journée que ses parents se font tuer. Attends, imagine Batman magique, il s'appelle Bruce Potter. Oh, Colin. Quoi? Quand ses Colin. parents se font tuer! Puis là, il y a une cicatrice en forme d'éclair sur le front. Ou Non, de il y a une chauve-souris. cicatrice en forme de chauve-souris, évidemment. Oh, man. Ouais, puis dans le fond, ils skippent la partie de l'école, ils s'en vont direct à la partie où est-ce qu'ils chassent des mages. Ouais, où est-ce qu'il y a la police version sorcier, là? Ouais. Ouais, c'est ça. Police des sorciers. Ben, c'est ça qui fait Harry Potter. Les aurores. Ouais. Hey, il est C'est rendu tout, pas c'est mal ça. tard. C'est l'heure. Est-ce que Good! on a des mots de la fin? Moi, j'en avais un. Vas-y. Les Sims 4 ont sorti comme. C'est encore EA qui essaie de faire de l'argent avec des affaires, là. Mais ils ont quand même sorti ce qui est potentiellement l'affaire qui va me donner le plus envie d'aller jouer aux Sims 4. C'est-à-dire qu'ils ont fait un crossover promotionnel avec Star Wars, donc qui est maintenant The Sims Adventure to Batuu. puis tu peux aller sur une planète de Star Wars et joindre une faction et bâtir ton propre sabre laser et bâtir ton propre droïde et vivre la vie de Star Wars dans la Résistance ou dans le First Order ou dans une autre faction. Il y en a trois, je pense. En tout cas, comme contrebandier, quelque chose genre. Ah, ok. Pis ça a l'air que c'est... sur le Outer Rim. Peut-être. Pis ça a l'air que c'est pas si mal fait que ça. Wow! Wow, attention! Mais c'est parce que... Quel compliment, là, ici. Nous avons ici à faire un jeu de qualité. Il est pas si mal fait que ça. Mais c'est parce que dans Star Wars, t'as des combats. T'as des combats de piou-piou, des combats de vaisseaux, du pilotage de vaisseaux. Tu sais, comme dans les Sims, y a rien de tout ça. Là. Tout ce que tu fais, c'est promener puis dire à ton Sims de faire des affaires puis interagir avec des gens, tu sais. Mais t'as réellement des quests à faire puis des missions. Pis ça a l'air que la façon que tu les résous, c'est réellement en discutant avec les bonnes personnes puis tout. Mais que c'est quand même intéressant. Genre, quand même bien. Puis en tout cas, je suis super curieuse de l'essayer. Ils ont fait un adventure game. Genre. Puis c'est l'univers de Star Wars, c'est celui qui est dans la portion Star Wars. La dernière trilogie. Non, mais tu sais, dans Disney World, là, ils ont fait Star Wars Universe. Patente, là. Fait que tu sais, c'est comme un truc promotionnel pour genre Disney Galaxy's World. Galaxy's Edge. Oui, exactement. Fait que c'est là que ça se passe, c'est le même setting que Galaxy's Edge, comme apparemment que c'est reproduit genre le même les mêmes bâtiments puis le même layout puis que c'est Galaxy's Edge. Fait que c'est juste un truc crossover promotionnel pour essayer de faire du cash, mais je suis intéressée. Je sais pas quand est-ce que je vais avoir le temps de jouer là, mais je trouvais ça bien drôle là. The Sims Star Wars. Avec ton... Tu peux personnaliser ton propre droïde. Bref, ça a l'air le fun. C'était mon mot de la fin. S'il y a de quoi qui peut me faire jouer aux Sims, je... ça risque d'être ça. Moi, j'ai un mot de la fin. Je l'ai partagé beaucoup sur Discord aujourd'hui, mais sur Mastodon, il y a un hashtag qui s'appelle « Décris mal un film ». Et c'est malade! Ça revient pas viral tout le temps, une fois de temps en temps, aux années, ça? Peut-être! Ok. Mais... c'est très là, drôle. Ça a enflammé Mastodon, le côté plus francophone, I guess. C'est peut-être ça, en fait. C'est là, on a le penchant francophone. Alors, on a tout plein de gens qui décrivent des films de façon la plus mauvaise possible. Tu sais, on parlait de Batman tantôt, puis j'en avais vu passer une qui c'était comme... C'est un riche billionnaire qui, au lieu de payer ses impôts comme tout le monde, s'en va péter des gueules en se pensant ben hot, genre en affaire de même. au lieu de laisser la police et la société... Au lieu d'aider correctement la police, la société et les pauvres, et... il essaie... En tout cas... T'avais tout ça, là, c'était savoureux, c'était parfait. J'en ai écrit plein là, à propos de Seigneur des Anneaux, Pirates des Caraïbes. J'avais fait... c'est une femme qui est vraiment très fâchée. Elle tue au moins 500 personnes, puis on sait pas pourquoi, mais ils ont fait une suite, puis là, on sait un peu plus pourquoi. Ouais, j'ai pas compris, c'était quoi ça? Mais c'est Kill Bill. As-tu 500 personnes? Au moins! Pour vrai? Ben, à Kill Bill? Il y en a, je pense qu'il y en a 90 quelques à l'écran dans le premier film. Oh, ouais. Ouais, parce qu'elle se bat contre les féroces 88, plus leur chef, plus une autre fille au début. Ben, puis plus le monde de quand elle sort de l'hôpital. C'est déjà plus que 90 dans le premier, mais le deuxième il est plus tranquille. Fait. Ça filait comme 500. Bon, Gab qui nous dit dans le chat que les Crazy 88 sont pas 88. Ils sont combien? Je me doutais qu'il y en avait 500? Probablement pas. Il n'avait sûrement pas filmé 88 pour vrai. Mais... ouais, c'est ça. Ça aurait peut-être été un peu beaucoup de monde sur le set. Cool. Moi, j'ai eu bien du fun et on en a partagé plein sur notre Discord. Alors, vous pouvez checker ça. Ben, venez vous joindre à nous aussi, puis rajouter des exemples de films d'écrits de croche. Blob, t'avais-tu un mot de la fin? J'imagine que j'ai un résumé de film. C'est un père veuf et dépressif qui fait équipe avec une femme avec un. Je sais pas comment dire, là, mais qui est mentally challenged, parce que je le lis en anglais, là. Qui fait équipe avec cette femme-là pour trouver son gars handicapé qui a fugué. Je sais déjà c'est quoi. J'ai aucune Good idée c'est one. quoi. Good one. C'est trouver Nemo. Et bye-bye. J'étais pas sûr avec le père veuf et dépressif, là, mais avec la madame qui est mentally Ok, ouais, le père, ouais, ok. Ce qui est important dans ces challenges-là, c'est de dire c'est comme un mauvais résumé, mais c'est pas faux. Ouais, c'est Non, mais ça. non, c'est tout vrai. C'est juste que c'est comme. C'est Ça incomplet. représente mal ce que tu devrais t'attendre. Ben, moi, j'avais bien aimé. C'est un film, il y a un vieux il y a un vieux barbu qui dit un gros monstre en feu qui passera pas. Mais ça, c'est tellement genre une scène dans un film de 3 heures, Ouais. t'sais. Il y avait aussi, c'est un gars qui court, mais des fois, il est aussi assis à manger des chocolats en attendant son autobus. Puis là, ben, évidemment, je me souviens pas du vrai titre du film. C'est Forrest Gump. Ah oui, c'est ça. Merci. Bref, c'est ce qui nous Bref. amène à la fin du podcast. Si vous avez aimé ça et que vous voulez avoir plus de On a juste une vie dans votre vie, vous pouvez vous abonner. On est sur Apple Podcasts, YouTube et Twitch. Tous les liens sont sur notre site web onajustunevie.ca. Profitez-en pour nous donner 5 étoiles ou un pouce, je sais pas. Si vous voulez nous envoyer des messages, on reçoit vos messages à info@onajustunevie.ca. Merci à tous les gens qui étaient dans le chat, Oui. qui ont mis de l'action en parler de chats et des Crazy 88s. Vous pouvez rejoindre pour poursuivre la conversation avec nous en rejoignant notre groupe Discord, dont je mets le lien dans le chat à l'instant. Merci à Blob et Anne-Marie d'avoir été avec moi ce soir. Et on se retrouve la semaine prochaine parce que on On a a juste une juste dit. vie. Faut que j'aille me coucher, fait que je vais checker ça un peu plus tard. Ah, Ah, ça serait pendant cool que de voir. j'ai. m'intéresse ces affaires-là. Ok, pendant que. Attends, juste, Blob, une seconde, une minute avant que tu t'en ailles. Là, pendant que j'ai la plus grande concentration de nerds autour de moi possible, sur un profil de OkCupid, il y a quelqu'un qui a écrit J'aime les cat stars. Fait que j'étais. Puis là, elle dit pas c'est quoi. Fait que j'étais Star comme, OK, Wars, Star Star Wars, Jet, Star Trek. Stargate. Stargate. Stargate, Il m'en manquait, par exemple. Starcraft? OK. Huh. I guess. Starcraft, peut-être. Ouais, après ça, rendu là, c'est ambigu, Ouais, là, ça commence à être ambigu un peu, là. là. Battlestar. Ouais, Star Battlestar Academy. Galactica. Star C'est... Academy! Bye! Swipe à droite, swipe à... En tout cas, swipe du côté que c'est pas bon. Bye!